Radio Libertaire 89,4 MHz, ça c'était Thierry Magne qu'on retrouvera bientôt sur scène. Et dans l'immédiat, je vous l'ai promis effectivement, Bulle de Rêve, magazine du cinéma d'animation. Et tout à l'heure, ça sera Longtemps je me suis couché de bonheur avec peut-être les fiches de cinéma. Bulle de Rêve, c'est parti. Comme un air, vous savez, un peu de My Beautiful, My Favorite Things, pardon, repris donc évidemment par Coltrane. Je trouve dans cette intro, ce générique que l'on doit à Nick Cave et Warren Ellis. Warren Ellis qui a remporté, ce qui fera plaisir à mon seul invité, non, parce qu'il le savait même pas, il est juste là comme ça dans le studio. Warren Ellis qui a obtenu un César récemment. Je parle des Césars, voilà, j'étais très content. Le César sur lequel j'étais le plus content pour la musique de Mustang, si je dis pas de bêtises, hein, puisque voilà, il expliquait que sa femme l'avait poussé un petit peu à écrire cette musique de ce film-là, qu'il en était ravi. Donc voilà, petit générique de The Assassination of Jesse James. Une émission un peu particulière, car à part encore une fois ce qui est même plus un invité, qui est un incontournable de Bulle de Rêve. Mais justement, pendant mon dîner, on m'a dit bon, ça commence à bien faire, Bulle de Rêve, t'as toujours les mêmes invités. Et les gens râlaient un petit peu. Et je me suis dit, mais la problématique de Bulle de Rêve, c'est qu'il faut faire venir évidemment, ce qui est très bien, les gens en studio, que tout le monde n'habite pas Paris. Et c'est très bien aussi, il y a des gens qui habitent un peu partout, donc voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, en effet, je continue à recevoir que des gens en studio? Et c'est vrai que depuis un an, je me dis, parce que j'ai la chance de me balader un peu pour faire des conférences, j'ai la chance d'aller en festival, etc. Je me suis dit, allez, faisons des émissions plus à l'extérieur. Par exemple, l'interview principale que vous allez entendre aujourd'hui est quelqu'un que je rêvais d'avoir dans mon émission depuis je sais pas combien de temps. Et il habite un petit peu plus loin. Et, bah, évidemment, il fallait qu'il vienne à Paris un samedi. C'était compliqué. Il fallait que ça tombe le samedi de Bulle de Rêve, parce que vous savez que Bulle de Rêve, c'est tous les mois. Donc, bah voilà, c'était pas... C'était pas évident. Donc, allez, je me suis dit, ben, on va faire ça comme ça. On va lancer cette possibilité de faire des interviews à l'extérieur. Alors, j'ai fait deux interviews. Il devait y en avoir un troisième, et malheureusement, vous l'entendez peut-être, et je vais pas trop parler parce que vous entendez tout le temps, c'est-à-dire ces bons reniflements d'une grippe. Je suis assez malade. Et donc, vous allez avoir ces deux interviews. Une interview et puis je vais tousser aussi de temps en temps, pardon. Ouais, ça va être, c'est pour vous montrer, c'est un peu bulle de rêve now, apocalypse, bulle de rêve, il y a un côté un peu mais comme la dernière fois déjà j'avais loupé l'émission parce que j'étais malade, ça commence à bien faire hein, c'est truc là, répétition. Et donc on va entendre deux interviews, une de Laetitia Charbonnier qui fait à peu près 17 minutes, qui est de l'équipée. L'équipée, c'est l'une des formations, enfin quelque chose qui a été formée, pardon, vous savez, de Folle Image à Valence. Il y a eu la poudrière en école et l'équipée s'occupe de tout ce qui est éducation à l'image, rencontres, etc. et organise un festival qui s'appelle le Festival d'un jour. Et donc elle va nous en parler un petit peu. Le deuxième invité, c'est un réalisateur qui a réalisé l'un des films les plus joyeux sur la flemme, la paresse, et quand même tirer son épingle du jeu tout en étant flemmard. Quel beau programme. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur programme que ça? C'est un film qui s'appelle Tigre à la queue leu leu, qui est tiré d'un manhwa, si je dis pas de bêtises, qui est le nom qu'on donne au manga coréen. Alors, je peux me planter. Manhwa peut être le manga chinois. Je mélange un petit peu et j'en suis désolé, ça. Mais en tout cas, une bande dessinée, roman graphique, ça fait mieux maintenant. Coréenne, du Sud, bien évidemment. Et il a tiré ce film-là, donc Tigre à la queue leu-leu, qui est absolument exceptionnel. Et ce qui est étonnant avec Benoît Chu, puisque c'est bien sûr l'interview de Benoît Chu qu'on va entendre, il est passé d'abord par des spéciaux télé qui faisaient 25 minutes, assez longs. Ensuite, il a participé à des longs métrages, dont co-réalisateur de Tantilda, beaucoup de frustration sur ces formats-là, même s'il adore ça. Et donc, évidemment, il y a un vrai plaisir à faire du court métrage. Il vient d'en terminer un deuxième, il en parle dans l'interview, je le laisserai en parler, même s'il en parle très peu. On va commencer, on va faire un petit coucou à l'auditeur, vous savez, l'auditeur de Bulle de Rêve, celui où je sais qu'il est là, qu'il les a tous enregistrés, qu'il les réécoute même des fois. Oui, il réécoute des fois les émissions après leur diffusion, et il s'est mis à écouter maintenant Radio Libertaire, l'émission évidemment d'avant, même l'émission d'après, de temps à autre, pas tout le temps, mais quand même, qui est beaucoup moins intéressante. Évidemment, c'est fait exprès, vous pouvez vous rendre compte que mon invité qui est à côté est de cette émission qui est juste après, hein, sinon je ne ferais pas ce genre de choses. Et on va faire un grand grand coucou à Fabien, et on passera tout à l'heure un morceau de Bill Evans, Ornithology, repris là par Bill Evans en piano solo, pour un petit coucou à lui, parce qu'il a voulu faire on est tous les deux grand grand passionnés de chats, et il s'est pris pour un chat à un moment donné, et il a eu un accident chez lui assez grave qui l'a immobilisé pendant là encore maintenant, avec plein de points de suture, d'aggraves, de trucs enfin horribles, et voilà. Donc c'est une émission un grand coucou à lui pour qu'il se remette rapidement de ça. Avant d'entendre ça, vous l'avez peut-être deviné, donc c'est Francis Gavel qui est à côté de moi. Bonjour Francis. Bonjour Alexis, excuse-moi, oui, ça y est. Ça y est, il est évidemment dans son émission après. Alors Francis, on s'est retrouvé ce matin et on va juste entamer une émission avec lui. Il n'est pas du tout au courant, hein, comme vous savez, oui. Comme j'aime bien faire avec mes invités, c'est d'un seul coup les prendre au piège comme ça. Là, je suis arrivé trop tôt en fait. On s'est vu ce matin pour une projection en sortant de l'école, la troisième saison consacrée à Apollinaire. Toi, il y a des films qui t'ont paru plus intéressants, t'as des coups de cœur, t'as des choses où cette saison te paraît, cette collection te paraît. C'est vrai qu'on a. Au niveau des autres. Alors, je sais pas au niveau des autres. Ce matin, quand j'ai vu la collection, j'ai eu un sentiment d'homogénéité de l'ensemble. C'est la première chose qui m'a peut-être marqué, alors que j'avais peut-être parfois, comme c'est souvent dans une collection, même si elle reste d'un très bon niveau, c'est un petit peu ce dont on parlait ce matin à l'issue de cette projo, qu'il y a toujours des disparités, c'est normal, parce que les temps de production sont très courts, parce que les inspirations parfois, même si ici il y a quand même une présélection, donc il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver sur le film, parfois peuvent en cours de route peut-être un petit peu soit chuter, soit prendre une des directions un petit peu différentes, ou qu'il y ait des accidents aussi, c'est des choses qui arrivent, quoi. Donc j'avais un sentiment d'ensemble plutôt assez cohérent en termes de qualité, en termes d'homogénéité, et même si les films peuvent être très différents en termes d'ambiance. Moi, je sais que j'ai été très sensible ce matin à Apollinaire. Moi, j'avoue, hein, depuis l'école, je me suis pas replongé forcément dans Apollinaire, en tout cas dans les poésies. Ce matin, j'étais assez marqué par les poésies de guerre, j'avoue, donc tout son passage dans les tranchées en 14-18, parce que je trouve que c'est des poésies très fortes dans une période où on est quand même très vatanguériste. Je trouve que c'est toujours intéressant de revenir sur des gens qui sont passés par une expérience de guerre et que c'est jamais une promenade de plaisir. Loin de là, comme on le faisait croire effectivement aussi déjà en 14. Donc ça, je trouvais que c'était plutôt assez intéressant. En plus, c'est intéressant d'avoir comme ça des films qui parlent de la guerre dans une collection qui quand même est diffusée dans une case jeunesse, hein, sur France 3. Donc c'est vrai que d'un seul coup, on est face à peut-être un coup de projecteur pour une prise de conscience, pour des choses qui dépassent peut-être un programme enfant dans son acceptation habituelle. Et puis après, oui, il y a des films que je peux apprécier plus que d'autres. Enfin, ce matin, effectivement, j'ai eu comme ça quelques films. Le Sous le pont de Mirabeau de Marjorie Cope, je trouve, ouais, superbe film. Et un très très beau film. En plus, c'est un film très très épuré qui fonctionne comme ça sur quelques boucles d'animation, qui est à la fois qui est figuratif, mais sans être forcément complètement narratif, qui pourrait presque faire penser à certaines choses que fait dans ses délires Andrea Ciucadet. Je trouve il y a un petit peu de ça. Donc ça, c'est intéressant parce que tout de suite, ça met quand même la barre à un certain niveau, et je trouve qu'elle a complètement de niveau par rapport à ça. Et ce que je trouve intéressant, bah, c'est que le comédien qui travaille sur ce poème-là, qui est Thibaut Vincent, moi, qui est un comédien que j'aime énormément, et puis depuis très longtemps, et là, qui est encore peut-être un petit peu à l'écran, si on peut voir le film dans le film de Michael Hertz, Ce sentiment de l'été, et c'est quelqu'un qui a un très beau travail sur le timbre et sur les variations comme ça très infimes. Et quand le texte, qui fonctionne un petit peu lui aussi comme des boucles, il y a des vers qui reviennent, et c'est un poème sur le passage du temps, c'est un poème sur le désir, sur la frustration aussi, et à chaque fois il amène comme ça des petites nuances qui viennent par la voix colorer ce que le dessin propose. Alors le dessin est souvent en noir et blanc, ouais, avec beaucoup d'espace, beaucoup de champs libres, là où d'autres films justement emplissent l'écran complètement, et là elle laisse une large porte à l'abstraction, ce qui est agréable, et du coup avec peu d'éléments. Et c'est peut-être ça aussi qui était intéressant ce matin, c'est les films comme ça qui osent, surtout dans une époque qui est la nôtre, travailler le silence, travailler l'enlèvement, même si d'autres, je suis sûr que tu vas en parler, le film d'Anne-Sophie Raymond, lui est au contraire complètement à l'opposé, mais dans une autre démarche. Je te laisse en parler parce que ça, tu le fais très bien, mais voilà, c'est pour ça que j'étais par exemple sensible aussi au film de Loïc Espuche, qui est encore un film sur la guerre de 14, qui lui est plus traditionnel, très figuratif, mais qui sait travailler le silence, le peu de choses dans un univers. Et puis je finirai juste par le film de Charlie Belin, parce qu'effectivement c'était intéressant de voir. Charlie, c'est quelqu'un qui est très, j'ai envie de dire, très très infime dans ce qu'elle fait, très par petites touches, qui a presque un dessin, une animation dont on pourrait dire que c'est l'héritière de Sampé en animation. Enfin, on a dû lui sortir déjà 15 000 fois, donc elle doit en avoir marre. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est que dans ce film, donc, qui parle des gens qui attendent finalement du boulot le matin sur les ports, et qui sont employés à la journée, ou qui font les fins de marché parce qu'ils manquent d'argent. À ce moment-là, on pense un peu au film d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, quoi. Elle met à la fois une dimension sociale, ce qui est un petit peu nouveau pour elle, enfin nouveau entre les deux, parce qu'on peut peut-être dire que la PAO, il y a comme ça, elle s'intéresse à un café arabe, donc il y a quelque chose de social, mais peut-être un peu plus politique, et qui prend un regard et qui prend une connotation intéressante avec aujourd'hui, bah, tout ce qui se passe autour de la loi travail. C'est vrai que d'un seul coup, le film se percute un petit peu, et peut-être contrairement à l'idée de Charlie, à ces choses-là, et qu'elle a aussi des très très beaux moments, comme ce moment où elle ralentit son animation. On voit des ouvriers sur un port, et à la fois les ouvriers s'estompent, il en reste plus que trois dans le cadre, mais en même temps, sur un qui se déplace, elle ralentit le mouvement, et d'un seul coup, il y a une mélancolie sur un monde qui disparaît, le monde ouvrier. Enfin, voilà, c'est à peu près donc tout ce que je peux te dire de ce matin, quoi. Vraiment coup de cœur, ce qui est pas mal quand même, hein, déjà. Il vient à peine de le regarder. Il y a ce matin, il arrive déjà à parler de tout ça. En effet, le film de Charlie. Alors, je serais à la fois d'accord, et à la fois je pense qu'en effet il y a aussi une ce qui est assez rare, une poésie de l'humain. C'est-à-dire qu'en effet, on a ces gens qui attendent, et il y a certains, peut-être que la poésie de l'humain aujourd'hui est un côté très politique finalement, de s'arrêter sur des gens, mais en effet, on est sur la, presque la tendresse qu'on a de regard sur des gens qui malheureusement, évidemment, sont de plus en plus nombreux, et il y a quelque chose d'assez fort entre les paroles, évidemment, d'Apollinaire, qui date maintenant, il y a quasiment une centaine d'années, et évidemment, ce qui se passe encore aujourd'hui, donc un très beau film. C'est vrai que le film de Marjorie Kopp, et c'est vrai que Anne-Sophie Raymond, je suis désolé. Parce qu'en plus, je pensais pas qu'on allait en parler. C'est Francis qui me dit, ah bah, tu vas pas me faire parler de ça. Et j'ai dit, bah si, donc c'est une bonne idée. Anne-Sophie Raymond qui fait un film assez extraordinaire pour moi, qui représente un peu. Je vais dire quelque chose. Vous savez, c'est drôle parce que quand on est en animation, il y a un tel travail. Et c'est vrai qu'on vous retrouvez avec 13, 14 jeunes réalisateurs, réalisatrices qui ont un talent, mais absolument incroyable. Vraiment, enfin, quand vous voyez ces 13 films, et c'est peut-être moi ce que je regrette d'ailleurs, c'est qu'en fait, on est maintenant sur des hauts niveaux. Vous savez, en animation, ça nous arrive comme il y avait avant dans d'autres métiers. C'est-à-dire qu'on fait 7, 8 ans d'études. Ça c'est quelque chose qui est absolument terrible parce que évidemment quand ils sortent des écoles ils arrivent pas forcément à trouver du boulot, et quand je dis 7-8 ans, ouais, au moins 5 ans hein, souvent une prépa, des fois un DMA, maintenant l'MK est en 4 ans, donc on va vers de plus en plus, et c'est vrai que il y a une problématique qui fait que bah ils sortent de là et on sait bien que pour faire un film de 3 minutes bah il leur faut un an, donc c'est vrai qu'arriver le matin et dire oh ouais j'ai bien aimé ton film mais là c'est quand même moyen, et alors qu'on sait évidemment et la précarité, la complexité aujourd'hui de faire de l'animation. Et à la fois, ce qui m'a marqué, c'est de plus en plus ça dans l'animation, c'est parfait. Alors quand je dis c'est parfait, il y a un côté, ouais, ça, il y a pas ce petit truc qui ah, là, où on se dit ah ça c'est mal, oh, c'est pas mal fait. Je me permettrais de dire ça, c'est juste il y a ces petits détails. Vous savez, moi qui suis fan d'un cinéma, d'un vieux cinéma, Yann Schwankmeyer, etc. Vous savez, des petites choses qui se confrontent les unes les autres, et on se dit, ah bah tiens, là, l'animation a pas été vérifiée, plan par plan, image par image, mais il y a eu à un moment donné une espèce de coup de folie, et qui fonctionne très bien avec ce film-là. Il y a une espèce de folie, une espèce de, qui me faisait penser un peu à dans un style complètement différent, mais à ce que pouvait faire Valérie Pierson, avec Pistache, ou ce genre de choses, une espèce de folie comme ça, de l'image, et de beauté poétique, d'un seul coup de l'image, qui n'est pour moi pas en redondance avec les mots, mais qui d'un seul coup donne une autre poésie aux mots. Encore une fois, tout critique est terrible parce que, je ne veux pas me dédouaner de ce que je dis, ce serait trop facile, mais c'est vrai qu'il y a une complexité aujourd'hui de faire ces films-là, et c'est vrai que c'est quand même beau. Enfin, comme le disait Francis, passer d'un Loïc Espuche à une Charlie Belin avec des films qui n'ont rien à voir. Mais moi, ce qui me paraît étrange, c'est que je trouve qu'on est de plus en plus dans une image. Si le graphisme est différent, l'image est de plus en plus un peu la même. Et quand je dis ça, moi-même, je me dis, mais il me faudrait 25 minutes pour développer ça de manière intelligente. Intelligente, peut-être pas, faut pas exagérer, mais en tout cas, c'est moi quand même qui parle. Mais intelligible, et de manière à ce qu'on croit pas que, voilà, c'est juste que, c'est vrai que le fait de pouvoir maintenant vérifier son image, tout le temps, d'être tout le temps en contrôle, voilà, merci. Comme quoi, des fois, de parler comme ça un petit peu. C'est une image qui est en contrôle pour moi, et on perd un peu de ce côté non contrôlé qui est tellement beau des fois dans l'animation. Je suis content d'avoir trouvé ça avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà. Et donc, je suis. Voilà. Mais c'est évidemment une très très belle collection. Delphine Maury qui en est la principale. Le principal défenseur, pas la défenseuse, hein, et qui se bat évidemment avec les gens de France Télévisions, et je vais en parler juste après la petite pause. On va parler de ça un tout petit peu avant de lancer donc les interviews. On lance Ornithologie, Bill Evans, et on revient pour parler un tout petit peu après. À tout de suite. Thank you. Voilà Bill Evans pour Fabien. Bon rétablissement à lui. Je voulais avant de nous lancer dans cette heure 5, hein, 17 minutes pour Laetitia Charbonnier, 48 minutes pour Benoît Chieu. Et on fera un petit clin d'œil tout à l'heure, parce que pour vous dire à quel point je choisis les musiques au dernier moment, on écoutera Paul Motion, puisqu'on a parlé de jazz rock, jazz funk tout à l'heure avec Francis, et on n'était pas d'accord forcément, etc. Donc voilà, on écoutera un petit peu de Paul Motion and the Electric Bebop Band, mais tout à l'heure. Je voulais profiter, puisque j'ai la chance que Radio Libertaire m'offre ces deux heures pour parler de cinéma d'animation. Je ne leur dis pas à chaque fois, mais vous savez à quel point évidemment ces deux heures sont importantes, ce qui fait que bon, la dernière fois j'étais vraiment malade, je suis malade, mais j'étais vraiment pas bien, je pouvais pas être là, même malade. C'est important de venir, c'est important d'avoir cette parole là qu'on nous donne. Encore une fois, peu de médias le donnent, ou des fois de manière un peu étrange. Hein, je vous rappelle cette superbe phrase de cet article de Télérama sur le film de Rémi Chaillet, Tout en haut du monde, où la journaliste dit Disney à sa Reine des Neiges, Rémi Chaillet à sa Princesse des Glaces, ce qui est quelque chose que évidemment aucune personne en prise de vue réelle ne ferait. J'imagine à peine quelqu'un parler de la fille du 14 juillet en le comparant à Bienvenue chez les Ch'tis. Pas sûr. Ouais, même Francis essaye de regarder, parce qu'il veut évidemment défendre. Voilà. Et c'est vrai que non, si je vous dis ça, c'est qu'on a, en fait. Alors, si je pensais qu'un jour j'allais me comparer au général de Gaulle, ça serait quand même un peu inquiétant. On est quoi? On est le 19 mars. Donc, l'appel du 19 mars, ouais, ça a déjà été fait. Non, en fait, depuis que j'ai fait là, j'ai fait quelques conférences et notamment une sur l'animation de la télé. Je me suis rendu compte pendant longtemps, je râlais aussi un tout petit peu en disant ouais, là, les gens de la télé, ils sont nuls, ils valent rien. Et en fait, quand on voit en effet des gens comme Joseph Jacquet ou Pierre Siracusa par exemple, hein, France Télévisions, qui font aussi bien S'entendre l'école, mais qui font un truc complètement barré qui s'appelle Je suis super. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas le problème. Mais Je suis super, qui est sur la web TV, qui est une espèce de super héros, c'est n'importe quoi dans le bon sens du terme. C'est très trash, mais à la fois très non sensique. Enfin, il y a tout un jeu comme ça. Il y a La Quatrième Planète qui arrive bientôt. Il y a Milou Milou, film, série absolument adorable pour les preschools, qui va arriver. On se rend compte que les producteurs sont là. On a plein de producteurs excellents en France, et je dis pas ça, et des gens, j'espère que j'ai pas eu, par exemple Nicolas Schmerkin de Tour de Minuit ici, Arnaud Demoinque des films du Nord, Sacre Bleu bien sûr, Lardux, enfin Papy 3D, et on a tous ces gens là, encore une fois, on aime ou on n'aime pas ce qu'ils font, mais qui montrent cette diversité. Des auteurs, est-ce qu'il y a besoin d'en parler tellement, on le répète à ce micro, des écoles, même si je trouve qu'elle formate un petit peu en ce moment, mais enfin, vaut mieux formater avec le talent qu'il y a que, enfin voilà, je trouve ça assez exceptionnel quand même ce qui se passe. Donc, c'est assez étonnant, quoi. Et je me rends compte qu'on a les chaînes télé qui veulent bien aussi, finalement. Alors, pas toutes, c'est compliqué, faut se battre. Milou Milou, la scénariste, expliquait que oui, ben, le personnage a des petits yeux en amande, et disait, bah, c'est pour du preschool, il faut qu'on voit les yeux parce qu'on leur ouvre la vie, blablabla. Et ils ont tenu. Mais Mirou Mirou sera avec des yeux en amande. Il parle pas, mais il s'exprime énormément avec des gestes. Et pareil, on leur a dit, oh non, faut qu'il s'exprime, hein. Faut qu'il parle. Ils ont dit, bah non, il peut pas s'exprimer, puisque voilà. Donc c'est des batailles. Et ben, il va pas parler. Et il va s'exprimer comme ça. Et, donc je me dis, ça, c'est incroyable quand même. Il y a ça. On va avoir Last Man, où on va avoir des choses assez étonnantes, qui montrent encore une fois cette diversité bientôt, à la télé. On a les exploitants qui sont quand même présents, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ils sont quand même là. Le Sur les Ursulines est là. Alors oui, et quand on amène un Tout en haut du monde ou un Adama vers les UGC, ben, c'est pas vous que je vais le dire. Enfin, les UGC, c'est des grosses machines. Et en effet, si on amène un film comme Adama ou Tout en haut du monde, s'il fait pas un certain nombre d'entrées là dans la semaine, et ben il va être viré. C'est comme partout en prise de vue réelle, c'est la même chose. Donc les exploitants sont, je suis persuadé, quelque part aussi là. On va pas revenir à Kirikou, mais voilà, il y a eu des films comme ça qui se sont imposés à un moment donné. Alors oui, il faut se battre à un moment donné, faut réussir à avoir un exploitant et lui dire, est-ce que vous voulez garder dans votre circuit mon film, on va le sortir, je sais pas moi, en novembre, pas pendant les vacances, on va le sortir en, pas pendant les vacances des enfants, etc. Et je pense qu'en effet, quand on me dit, mais elle est très bien cette phrase de l'article de Télérama, et c'est des gens même du film qui m'ont dit ça, parce que ça va faire venir du monde, de la Reine des Neiges à Tout en haut du monde. Moi, j'y crois pas. On fait pas venir des gens. Alors, il y en a un. Hein. Il y a des gens qui vont voir Titanic et qui vont voir, dis-moi, un film français super fauché qui est sorti il y a pas longtemps, Francis. Ah, Super Fauché, non, je pensais pas. Non, mais en tout cas. Super Fauché, ou on va dire Tonnerre de Guillaume Braque. Voilà. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont voir les deux, mais c'est pas les plus importants. Et quand on vend Tonnerre de Guillaume Braque, quand je dis on vend, quand les gens en parlent dans la presse, etc., etc., on se dit pas, on le traite comme un film qui a été fait avec peu d'argent, film d'auteur avec tout ce que le mot est insupportable et à la fois évidemment passionnant. Et on traite comme ça, Tout en haut du monde de Rémi Chahé est un film d'auteur. À la hauteur, pas à la hauteur, ça j'en sais rien de ces défis en prise de réel, mais il y a cette problématique là, donc on peut pas aller, si on va piocher dans les gens de la reine des neiges, les 80% qui vont aller voir Tout en haut du monde vont dire mais c'est chiant, il y a pas de musique, il y en a une à un moment donné, mais bon voilà, il y a pas de musique, il y a pas de ceci, il y a pas de cela, ah, mais il y a pas de princesse, parce qu'il y a pas de princesse dans le film, même s'il y a un petit côté voilà princesse de l'est, enfin etc. à un moment donné, mais royauté, ce qui a pu y avoir à un moment donné en Russie, mais c'est pas la même chose. Donc on peut pas, pour moi on peut pas aller ponctionner en se disant on va récupérer, si on récupérait 2% déjà de ce que fait la Reine de Neige, c'est bien. Non, il faut un nouveau public. Et ma petite intro là qui a un petit peu changé, j'aurais dû vous le faire au début de l'émission, c'est ça, c'est qu'on a besoin de vous, on a besoin de public. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas de public en animation, en tout cas pas suffisant. On a le public de l'animation qui va en festival, génial, et encore qui des fois se déplace pas tout le temps en festival, on peut voir des salles assez vides. Francis Gavel présent ici a fait quelque chose à la Cinémathèque, une séance à la Cinémathèque. Eh ben heureusement qu'il y avait rameuté quand même pas mal de mes élèves l'après-midi pour venir, etc. Et la salle était désespérément, même si c'était quand même peut-être un quart ou un tiers de la salle, mais désespérément vide pour la seule projo quasiment dans l'année d'animation à la Cinémathèque. Donc, les gens de l'animation, ne venez surtout pas vous plaindre, arrêtez un peu de dire « oui, mais les gens viennent pas, etc. » Vous venez pas vous-même. Nous, on va dans les séances et moi, je vois personne. Alors si, extraordinaire, ce matin, en sortant de l'école, c'était rempli, il y avait deux séances, pas mal d'enfants, il y a le travail de la Maison de la Poésie sûrement aussi qui joue par rapport à ça, c'est bien, génial, moi je suis ravi au contraire qu'il y ait ça, mais il faut que toutes les salles soient pleines comme ça, en tout cas beaucoup. Vous vous rendez compte quand même que sur les films français qui sont sortis, hein, Tout en haut du monde, Adama, etc., les films doivent faire 600 000 entrées. Les 5-6 films, Dofus a même pas fait 100 000 entrées, qui était pourtant le film où on se disait allez, il va y avoir du monde qui va l'amener. En même temps, Alvin et les Chipmunks, je sais que c'est vrai, fait 500 000 entrées en une semaine. 500 000 entrées. Et oui, le dernier Disney fait 1 500 000 en deux semaines, mais c'est Disney, enfin. Alors après, on me dit, ils ont une plus grosse force de frappe commerciale. En prise de vue réelle, ça fait des années que c'est comme ça, et ça change pas. On sait que Batman versus Superman sort, alors que le film dont on a parlé tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom de Francis, mais un film français, ben vous allez devoir vous battre pour aller regarder dans des petites salles de cinéma, dans des revues un petit peu plus marginales, etc. Et quand je dis marginal, même pas. Je suis persuadé que les Arocs, Le Monde ou Télérama font des articles sur ces films-là. Et c'est vrai qu'en animation, faut ça, vraiment. Alors, je sais que souvent on dit pas ça, et souvent on dit pas que c'est le public qui a tort. Et ben là, je pense que oui. Je pense que d'un seul coup, je pense que le public fait pas d'effort par rapport à ça. Et soyons clairs, je suis un public aussi. Je suis aussi flemmard. Et des fois, quand je rentre le soir, je regarde un film en streaming. Et c'est vrai, je vais regarder des fois une comédie et je vais pas me dire, si je regardais là le film hongkongais qui dure 2h55 avec truc. Je suis d'accord. Il n'empêche qu'on a besoin quand même d'avoir plus de monde. Évidemment, Tout en haut du monde va jamais faire 800 000, 900 000, pourquoi pas, à m'entrer, mais déjà de faire 250, 300 000, 400 000, c'est à faire au moins un succès correct. Mune a fait 500 000, il a fait un million et demi. Alors pareil, on m'a dit malheureusement, c'était le moment où il y a eu ces terribles attentats à Paris. Oui, sauf que, on va pas jouer le cynisme, c'était terrible, et à la fois Hôtel Transylvania 2, film américain, a fait 1,5 million d'entrées au même moment. Donc ça veut dire que oui, peut-être que les gens n'ont été voir qu'un film, ils ont été voir Hôtel Transylvania 2. On va pas, c'est pas Radio Libertaire que je vais qu'on dirait le contraire. Moi, je veux bien faire la révolution et je veux bien qu'on change et qu'Hollywood soit pas le principal fournisseur de blockbusters. Mais ça va prendre du temps quand même. Ils ont gagné pour l'instant, ils sont bien partis, et c'est évident qu'on va pas battre Disney demain. Mais au moins qu'il y ait des gens qui aillent. Et Tout en haut du monde même va finir à 200 000 parce que sur Facebook, tous les gens qui ont bossé sur le film nous mettent des posts tous les jours, tout le temps, en disant mais allez le voir, allez faire ceci, etc. Et que voilà, donc au bout d'un moment, il y a mais cette obligation d'aller voir des films à un moment donné est super importante. Donc voilà, je tenais à faire un petit topo là-dessus parce que encore une fois, si vous êtes dans l'animation, parlez d'animation autour de vous, l'animation. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote et je passerai la parole à Francis s'il a envie de dire quelque chose ou il n'est pas obligé évidemment sur cette petite coup de gueule et à la fois qu'un coup de gueule pour un art que j'aime. Hein, j'adore l'animation, donc voilà, j'aimerais qu'on se batte par rapport à ça. J'étais donc à Valence pour le festival d'un jour et j'ai un taxi qui me ramène à ma gare. Je vous raconte toute ma vie. Et il me ramène et je m'installe à côté de lui. Il commence à me parler. Il fait et vous venez là pour parler. Vous travaillez. Vous parlez de dessin. Et là, il s'arrête et il fait de films d'animation. Et c'est la première fois où j'avais quelqu'un qui avait l'air de connaître le cinéma. J'ai parlé avec lui, quoi, mais qui était gêné et qui s'arrête quand il parle de dessin animé pour parler de films d'animation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses en animation. Il y a des gens qui sont prêts. Je suis persuadé que le public est là. Il faut juste qu'on se bouge un tout petit peu. Et en plus, ça va être tellement extraordinaire parce que justement, comme on le dit, il y a plein de talents partout. Et donc, ben voilà, profitons-en. Francis, je sais pas si tu voulais dire quelque chose ou pas. Il y avait pas une obligation, évidemment. Non, enfin, par rapport... C'est assez compliqué parce que j'ai envie de dire que la situation finalement par rapport au cinéma d'auteur c'est la même. Alors je vais dire dans le live hein, pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport fiction machin et tout ou prise de vue réelle, ce qui veut dire live en fait quelque part. Oui, prise de vue continue. J'y arrive pas. C'est que je pense que le problème est à peu près le même par rapport à ce segment de films d'auteur, parce que là on a des exemples enfin absolument magnifiques avec des films donc comme Suite armoricaine de Pascal Breton, Évolution de Lucie Ladi Elilovitch, peut-être le film de Léa Fener Les Ogres, qui pratiquement déjà le film de Évolution a deux salles sur Paris. Et comme c'est un film quand même qui a un climat fantastique, un très gros travail visuel, mais et également d'ambiance sonore, effectivement c'est une des problématiques qui était levée par Didier Perron dans Libération, après Aurélien Ferrexit dans Télérama, de dire mais est-ce que MK2 Beaubourg, oui c'est bien, mais c'est peut-être pas le MK2 qui a les meilleures conditions de son. Pourquoi il n'y a pas une salle au MK2 Bibliothèque qui propose le film qui propose Évolution, Suite armoricaine de Pascal Breton, qui est un film comme ça de 2h30 dont certains critiques de cinéma comme Philippe Rouillet disent mais il y a une envolée comme ça, un goût du cinéma qui pourrait être proche de René. Ce film là il est pratiquement déjà après une semaine hors de circuit, quoi. Ouais. Alors on a des projos à 9h du mat tous les jours au MK2 Beaubourg, dans d'autres salles à Paris, puis un petit peu en province. Je me dis que le problème est le même et que là d'un seul coup ce qui existe sur le live depuis malheureusement longtemps, parce qu'il y a de plus en plus de films qui sortent chaque semaine, parce qu'il y a des rotations, parce que les exploitants, bah oui, ils sont là, mais en même temps, il faut que la baraque, elle tourne. Là, je parle plus des indépendants, d'un côté, et puis de l'autre côté, les circuits, bah, ils consomment des films, quoi. Donc oui, ils vont prendre du cinéma d'auteur, hein, y a pas de problème, et il y a plein de distributeurs qui veulent être, même des distributeurs indépendants, qui veulent être à l'UGC Ciné des Halles, parce que c'est l'endroit où tout le monde va, quoi. Ouais. Donc il y a tout ça qui arrive, et que sur l'animation, le problème est en train de se poser. Il a été cruel en fin d'année et début d'année, avec ces films qu'on a tous plus ou moins aimés, auxquels on a pu reprocher des choses. Effectivement, comme tu disais, Adama, Tout en haut du monde, Phantom Boy, Avril, voilà des films. Alors après, on peut débattre sur les films au niveau critique, mais qui ont besoin. Alors Mune a fait plus parce que Mune, c'est Paramount qui distribue, donc il y a une force de frappe quand même un petit peu à l'américaine, que le producteur c'est Atom Stomach et c'est quelqu'un qui donc a l'habitude entre guillemets des gros coups. Le meilleur film français de l'année dernière, c'est Le Petit Prince, quoi, avec je crois 1,2 million, enfin quelque chose. Même plus, je crois. Même plus. Si j'ai pas fait 1,7 million. Ouais. Bon voilà. Sauf que là aujourd'hui, c'est un film qui devait sortir aux États-Unis, ouais, qui se retrouve sans distributeur. Là, ça y est, ça a été annoncé. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. On peut faire une petite parenthèse. C'est étonnant parce que le film va être distribué par Netflix. Et donc, en effet, le film va sortir. Alors, c'est très étonnant parce que la plupart des commentaires disent oui, grâce à Netflix, il va avoir beaucoup plus de spectateurs qu'il en aurait eu hors Netflix. Et ça, c'est des sites américains qui disent ça, qui vont le sortir sur une semaine, sûrement pour pouvoir peut-être participer aux Oscars ou ce genre de choses, parce qu'on est obligé de le sortir en salle. Pardon. Et c'est vrai que c'est une complexité de savoir combien le film a été payé. Voilà, combien les droits ont été payés pour le sortir. Est-ce qu'on paye la même chose quand on sort un film sur Netflix, ou alors évidemment quand Paramount essaye de le sortir en salle? Ouais. Ouais. Donc voilà. Et d'un seul coup, on peut se dire que finalement, Le Petit Prince, qui a quand même un côté très à l'américaine en termes de d'esthétique, bah voilà, c'est peut-être le film qui aurait pu sur le territoire américain venir un petit peu à son niveau, tenter, hein, oui. Comme ça, concurrencer un Pixar, un Disney. Bah d'un seul coup, paf. Il a plus de distributeur peu de temps avant sa sortie. Alors qu'en plus, il est réalisé par un réalisateur américain, installé chez DreamWorks. Enfin, donc d'un seul coup, j'ai l'impression que à la fois on se retrouve confronté à ça, et qui était pas le cas à l'époque de Kirikou, mais à l'époque de Kirikou, il y avait moins de films, oui. On les gardait plus longtemps. Aujourd'hui, être et avoir, ce serait le même problème. Ouais. Il pourrait pas rester comme il est resté à l'époque, quoi. Et donc faire un succès inattendu, quoi. Pour parler d'un documentaire. Donc, il y a ce problème auquel on se retrouve confronté et qui va encore exister cette année, je pense, où on attend des films quand même assez fantastiques, le Michael Dudok de Vic, le Claude Barras, peut-être, je sais pas s'il sort cette année ou pas, mais le Sébastien Lodenbach. A priori, oui. Voilà, enfin, et là, c'est toujours intéressant de constater que le distributeur qui se met sur ce film un peu rude de Sébastien Lodenbach, que je trouve, moi j'en ai vu 20 minutes, que je trouve très belle, mais effectivement très, très dure, aussi bien narrativement qu'esthétiquement, une fois encore, c'est Shellac, donc Thomas Ordeneau, qui vient se mettre sur l'animation comme il le fait sur la prise de vue réelle. C'est-à-dire en animation, il vient, il fait Jasmine d'Alain Guéto, ouais. Il fait Conversation animée avec Noam Chomsky de Gondry, parce que à ce moment-là, les studios ou Studio Canal ne prennent pas ce film de Gondry, quoi, alors qu'ils sont là le reste du temps. Comme il vient faire Antonin Peredjatko avec La fille du 14 juillet ou La bataille de Solferino avec Justine Triet. Donc c'est comme ça, un distributeur qui a déjà affirmé à quel point il soutient avec difficulté parfois du cinéma un petit peu non formaté, qu'on peut détester, qu'on peut trouver bancal, mal foutu ou quoi, mais qui vient là. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que effectivement la problématique arrive, avec aussi quand même cette problématique d'exploitant, que si le soir moi je veux aller voir Tout en haut du monde, à part au studio des Ursulines, peut-être bien évidemment parce que la salle est spécialisée, soit en VO soit en version française pour un film français, à 20h en tant qu'adulte je pourrais pas. Et je connais des exploitants qui en province me disent mais on a essayé, et en fait à ces séances là il y a personne. Voilà, c'est important ce que dit Francis tout le long, et là à la fin évidemment c'est ça aussi, c'est que en effet les exploitants disent mais les gens sont pas là, c'est-à-dire qu'on veut bien faire des séances, encore une fois quand on fait la séance, quand Francis fait la séance à la Cinémathèque et qu'il n'y a pas suffisamment de monde, qu'il y a du monde, hein, ça c'est bien, il y a quand même du monde, et moi je m'attendais même presque à c'est ça qui est terrible dans l'animation, c'est qu'on s'attend tellement à une catastrophe que des fois on se dit ah oh, il y avait quand même 30 personnes, hein, on est content d'être pardon excusez-moi des 30 personnes et tout, et donc voilà, donc ça c'est une vraie problématique. Allez, on pourrait continuer, on va écouter maintenant Laetitia Charbonnier, de L'Équipé, qui fait Festival d'un jour, donc ça doit être le petit truc 3 qui fait 17 minutes. Nicolas, merci beaucoup. On écoute ça et on revient après. À tout de suite. Laetitia, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce bureau, il fait beau. Dehors. Ben, drôle, il fait toujours beau. C'est vrai. Si tu venais nous voir plus souvent. Sauf que derrière, on a un grand, grand poster d'une vie de chat. Oui. Du plan de Paris, exactement. Ah, des différentes moutures du scénario qui ont traversé le développement et la préparation de ce film. Et en fait, on voit à travers ce plan que le scénario ne comporte pas du tout les mêmes lieux en fonction du scénario. C'est drôle. On est en plein dans la cartoucherie. Folimage, Poudrière, etc. Il y a tout ça. Le Festival d'un jour, c'est un festival qui se nourrit de ce qu'il y a autour, ou pas forcément? Oui et plus. Oui, on part de là, bien sûr, parce que c'est notre nourriture première. On travaille tout au long de l'année dans ce pôle, dans lequel, effectivement, il y a Folimage, mais il y a aussi plein d'autres studios de production qui produisent des formats très différents, avec des techniques très différentes, des univers très différents. Et puis l'école de la Poudrière avec ses talents, qu'on lui connaît. Donc, cette nourriture, elle est essentielle pour nous dans notre activité tout au long de l'année de sensibilisation du public et de formation professionnelle. Et puis bien sûr pour le festival, parce que c'est un moyen de communiquer avec le public de façon festive à un temps instant T, donc oui bien sûr, mais pas que, parce que bien sûr on essaye de donner un regard sur l'animation internationale à notre grand public, parce que le Festival d'un jour c'est avant tout un festival grand public. Oui, j'étais surpris, moi j'étais là donc pour une conférence hier, et j'ai vu qu'en fait dans la salle il y avait autant de gens pas forcément du monde de l'animation, que du monde de l'animation finalement. Oui. Au fur et à mesure des années, c'est vrai que ça s'est quand même transformé. C'est-à-dire que c'était au départ un festival grand public essentiellement. Et c'est vrai que de plus en plus, parce qu'il y a le pôle de la cartoucherie qui attire de plus en plus de professionnels, ben, maintenant on a aussi d'abord sur place des professionnels et puis d'autres qui viennent. C'est l'occasion de voir les copains et de partager un bon moment ensemble. Donc, effectivement, maintenant on a. Bon, nous on essaie de préserver ce moment grand public et essentiellement grand public, mais on propose aussi différents rendez-vous pour les pros et donc bien sûr elles se retrouvent avec le grand public dans ces séances. Est-ce qu'avant de parler du festival on peut parler de l'équipée qui organise le festival et qui fait plein de choses pendant l'année? Oui, alors l'équipée elle est née du sein, si on peut dire, de Folimage, comme la Poudrière est née aussi du sein de Folimage. Donc ces deux structures émanent de ce studio de production qui est installé ici depuis 30 ans sur ce territoire. Et c'est pas anodin, c'est pas souvent qu'un studio de production a une attache avec un territoire. C'est quelque chose d'un peu particulier, mais Folimage a cette spécificité-là d'être accroché, de vivre vraiment son travail avec son territoire, les gens de son territoire. Et donc Folimage a créé le Festival d'un jour en 1994. Et l'équipée était créée en 2001 pour reprendre à la fois le festival d'un jour, l'organisation et toutes les activités de sensibilisation du public. Donc, l'équipée est née comme ça, avec une forte relation avec son territoire, et le pôle de la cartoucherie permet d'ancrer très fortement, donc depuis 2009, on est arrivés tous ici en 2009, le travail de sensibilisation de l'équipée sur ce territoire. Alors on travaille avec le public de la France entière, mais qui vient sur ce site dans le cadre de Cases Découvertes par exemple, pour faire du cinéma d'animation sur ce pôle, avec des professionnels du cinéma d'animation, parce qu'on n'a aucun animateur permanent, on ne travaille qu'avec des professionnels du cinéma d'animation qui, à 90%, travaillent sur ce site. Et donc, ce sont des professionnels qui viennent à la rencontre du public, qu'ils soient jeunes publics, comme adultes. Oui, c'est ça, c'est aussi bien des ateliers que... analyse de l'image. Oui, éducation à l'image, activité care, voilà, c'est ça, les enseignants. Et puis là, on vient d'ouvrir une nouvelle activité où maintenant on s'adresse aux entreprises et on fait ce qu'on appelle du team building. Alors je veux dire en français parce que ça craint à mort les mots anglais quand même. La cohésion d'équipe, c'est-à-dire qu'on le cinéma d'animation devient un outil de cohésion d'équipe. On fait faire du cinéma d'animation. Cohésion d'équipe, c'est ce qu'avant, quand on sautait des ponts, oui, des choses comme ça, voilà. Ils font de l'animation. Ne faites plus du saut à l'élastique, voilà, faites du cinéma d'animation. Il n'y a rien. C'est pas mal. C'est un vrai beau changement. C'est a priori moins dangereux. Raconter une histoire collective dans une entreprise quand l'ambiance n'est pas toujours facile, dans les tensions qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, dont on entend parler. Parfois, le saut élastique peut être plus simple. C'est vrai. Donc, on hésitera au niveau du choix. Le festival d'un jour, c'est un festival qui a quasiment comme petite phrase, un festival d'un jour qui dure une semaine. Oui, on n'arrête pas de dire le festival d'un jour qui dure 6 jours. Voilà, d'ailleurs, c'est ça, Antoine Lopez qui nous a fait la bande-annonce cette année, c'est le leitmotiv de la bande-annonce. Alors, il a un loup, parce que c'est le visuel d'Antoine cette année, un loup qui parle espagnol et qui dit le festival d'un jour qui dure 6 jours. Voilà, c'est ça. Okay. Il devient comme un gag, en fait. Oui, c'est un gag. Et refait. L'idée de 6 jours, c'est parce que il y a plein de projections, il y a plein de choses, on est obligé de... Oui, effectivement, il durait 6 jours jusqu'en 2009, jusqu'à notre arrivée à la cartoucherie. Donc, il a été de 94 à 2009, il a duré 24 heures, du vendredi soir au samedi soir. Et puis, effectivement, notre arrivée à la cartoucherie, ça a correspondu exactement à un besoin qui s'est avéré plus important en termes de demande. Et donc, on avait des séances... complète qui refoulait du monde, c'est jamais bon pour un festival. Les gens se découragent et viennent plus, et donc on a à la fois développé les séances et à la fois développé le fait de les espacer, de laisser laisser aux gens le temps de digérer et de pouvoir avoir envie à nouveau de retrouver l'appétit pour le lendemain et aller voir une autre séance. Et donc on a comme ça parsemé davantage de séances dans la semaine, et puis bien sûr on a aussi un peu développé les propositions et les lieux. Donc maintenant on est répartis sur différents lieux de 8-10 communes de la Drôme et de l'Ardèche. L'idée c'est toujours qu'il y a un invité d'honneur. Oui, c'est assez récent, cette notion d'invité d'honneur. Avant, je ne le voyais pas comme ça. Il était intégré au conseil artistique, parce qu'on a un conseil artistique qui travaille sur la programmation. Et le conseil artistique changeait notamment de direction artistique avec quelqu'un qui venait de l'extérieur et qui allait arriver avec une façon de voir différente, une envie de montrer différent, un autre type de film, etc. Et puis, je trouvais que c'était difficile de... quand on a un invité d'honneur qui a une actualité, il est donc pris. Donc, de l'intégrer à un concert artistique, c'était difficile pour lui en termes de temps et donc difficile pour nous en termes d'organisation. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et on a donc maintenant un invité d'honneur. Bon, on n'a pas découvert la poudre, hein, c'est souvent ce qui se fait. Ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, en tout cas, moi, l'énergie que ça me donne, c'est à chaque fois de décliner en fonction des invités d'honneur une programmation. C'est-à-dire qu'on va pas... Oui, on a des rendez-vous qui se répètent d'année en année, hein, donc ouais, des rendez-vous, ça porte bien son nom, mais ces rendez-vous vont prendre une couleur complètement différente en fonction de l'invité d'honneur, en fonction de ses thématiques, les thématiques qui traversent ses films, en fonction d'une technique particulière qu'il expérimente, en fonction éventuellement du pays d'où il vient, enfin, peu importe, en tout cas, on décline les rendez-vous du festival en fonction de notre invité d'honneur, et ce qui donne, du coup, on a l'impression de raconter une histoire à chaque fois, c'est très agréable. Donc cette année, c'est Mikey Please, personnage un peu... j'allais dire hors norme, mais non, mais en tout cas qui travaille le papier, qui travaille la matière de manière assez étonnante. Et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui réussit à faire du court-métrage. Il n'y en a pas beaucoup en Angleterre. C'est un jeune anglais, il fait de la commande, mais il arrive d'Eagleman Stack, qui était son film donc, du Royal College of Art, mais il a fait un film qui s'appelle Marilyn Miller. Il a créé une petite société de production et de distribution. Donc, c'est un personnage un peu à part, presque. Alors déjà, pour moi, il est à part dans les invités d'honneur qu'on reçoit habituellement, parce que, j'ose le dire, il est jeune. Oui. Et c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, bêtement, moi, depuis que j'ai mis en place cet invité d'honneur, on reçoit toujours des pointures, ce qu'on appelle des pointures dans notre métier, des gens qui ont 10, 20, 25 ans d'expérience derrière eux. C'était prendre le risque d'inviter quelqu'un qui à la fois n'est pas très connu et en même temps qui a un parcours incroyable déjà. Il a 28 ans, donc il est très jeune. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, effectivement, comme tu le dis, a déjà expérimenté plein de choses, tant en termes de format, de type de commande, de films d'auteur. Et effectivement, en Angleterre, c'est assez rare. Donc, qui se laisse le temps de ça. Qui s'oblige même parce qu'il est très demandé dans les commandes, donc il a besoin d'organiser son temps. Donc il a un côté très. Oui, la rigueur de la sagesse, un petit peu. Non, là, c'est pour mon travail d'auteur. Donc Parabella Studio, donc effectivement, qu'il a créé, lui permet cette souplesse aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. En Angleterre aussi, c'est assez. C'est assez notable. Et ce que j'aime aussi dans cette invitation, c'est qu'il est à la fois jeune, il a un côté, son univers graphique, plastique, fait penser à l'art contemporain parfois, enfin, en tout cas l'utilisation de cette matière blanche monochrome avec l'utilisation de ses lumières, bon, principalement, parce qu'il le fait d'autres choses, hein, mais principalement dans ses films d'auteur, c'est cette technique-là. C'est contrebalancé par le fait qu'il utilise une technique qui est très traditionnelle, qui est l'animation en volume, image par image, enfin bon, voilà. Il a ses plateaux, il a ses bouts de polystyrène qui sculptent et qui l'anime comme des marionnettes en pâte à voler, enfin bon, en volume quoi. Bon, donc, donc il a quelque chose comme ça qui. Et puis aussi la thématique de ses films qui est toujours sur le sens de la vie. Il a un côté grand sage. Et en même temps, c'est la jeune génération avec une esthétique décapante. Comme ça à la bouche qu'il a des nouvelles technologies. Enfin, il a absolument des nouvelles technologies, mais quand on voit ses films, on a l'impression qu'il a utilisé des technologies super récentes. Ouais. Oui, qu'il a tout fait en relief, enfin en. Oui, je sais pas, qu'il y a des trucs, on se demande comment il les fait, alors que c'est du polystyrène extrudé, c'est génial. Donc ça, c'est ça qui permet d'avoir plein de séances, une séance hommage aux matières détournées, donc ce que tu disais, raconter l'histoire. Oui, du coup, on s'est dit, voilà, on a décliné effectivement deux thématiques, l'une qui était plus orientée vers des films, sur des films qui ont été réalisés avec des matières détournées de leur fonction première, comme Mickey Please utilise cet isolant thermique pour faire ses films, et puis bien sûr, un peu un hommage à l'animation britannique. Même finalement dans le dialogue animé, parce que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup, enfin, et dans Marilyn Miller et Eagleman Stagg, et surtout Eagleman Stagg, il y a vraiment un travail là d'écriture. Une vraie place à la parole, on a parlé hier soir, effectivement, un vrai travail là-dessus. Après, il l'utilise de façon un peu différente de ce que les autres font, donc là aussi, ça va être intéressant de voir comment il se l'approprie. Est-ce que c'est une façon classique dont tu parlais hier soir? Est-ce que l'histoire des chants contre chants, les paroles détournées, il y a un peu de tout en même temps, c'est assez étonnant dans son travail. Dernière question, c'est la dernière question, mais évidemment ça lance aussi, on l'a lancé hier avec peut-être conférence, mais surtout ce matin, quelque chose qui est important, qui existe depuis 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui. Qui est le marathon sur tablette numérique. Oui, j'ai vu que tu t'y étais... Tu t'es lancé là avec une tablette ce matin, effectivement, avec les marathoniens. Oui, parce que c'est vrai que c'est étonnant. Il y a un côté qui est, même pour les non-animateurs, je dis pas facile, loin de là, ce que j'ai fait est loin d'être excellent, mais en tout cas, il y a quand même l'instinctif. Ouais. Il y a quelque chose d'instinctif. C'est assez simple. Après, évidemment, pour faire un film, on a besoin d'autres choses. On le sait tous déjà que pour faire un film, il faut autre chose que de la technique. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très ludique et de très, très, très direct avec la tablette. Donc, un marathon sur tablette numérique, je sentais candidat. Hier, ça te faisait un vrai plaisir, ce marathon, quand t'as dit, faut te mettre à 9h, je vais... Ah oui. On sent que c'est un bonheur de le mettre en place, ce marathon. Mais en fait, je racontais ça à quelqu'un il y a pas longtemps, hier, je disais que le marathon, il rajoute, donc ça fait 3 ans qu'il est là, donc le festival a 22 ans, donc on a bien vécu 100. Mais depuis qu'il est là, on se demande comment on vivait sans. Parce que ça rajoute une énergie, en fait. Il y a une énergie qui se passe comme ça à la cartoucherie, qui n'est pas forcément évidente quand ils ne sont pas là, parce que le festival a lieu dans plein de salles extérieures à la cartoucherie, réparties sur un territoire assez large, enfin sur 10 départementales. Et donc à la cartoucherie, on est nous, les chevilles ouvrières, dans nos bureaux, à courir dans tous les sens. Oui, mais l'aspect... la création, l'image, finalement, j'ai l'impression qu'on la voit presque pas, tellement on est surtout dans l'organisation, et que l'image, elle est dans toutes les salles qui nous entourent et dans lesquelles il se passe des séances. Donc, ce marathon, il rajoute une énergie pour nous. Et puis, pas que, parce que si c'était que pour nous, on se dirait, bah, dites-donc tout ça pour ça. Enfin bon, quand même. Mais pour le public est passionné par ça. On a notre premier, tu seras parti malheureusement, mais ce soir on a notre première visite guidée, donc le public est invité à venir rencontrer alors un des marathoniens, Jean-Pierre Poirel, me disait hier soir, j'espère qu'on n'aura pas l'impression d'être trop zoo. Alors oui, non, j'espère que non, effectivement, on n'a pas cette impression-là, trop. Il y a forcément un peu d'étonnant de voir des gens en train de créer. Oui, c'est ça, espèce de magie, les gens. Et là, moi, je suis fascinée par la curiosité du public, toujours, donc de venir voir à 18h, à la sortie du boulot, d'aller voir des gens qui fabriquent 8 personnes dans une salle. Voilà, 8 personnes qui sont devant leur tablette à fabriquer leur film. Donc tous les soirs, voilà, le public est invité à venir voir le en train de faire avant de voir le film fini. À la 4 jours, c'est sur du dialogue animé. 4 jours, un dialogue imposé sur un film de Claude Duty, perdue et cheveux gras, pardon. Et 1 minute chacun, 4 jours. C'est une tablette numérique, donc une application qui s'appelle Animation Création HD et qui permet de prendre des photos, par exemple, et d'animer sur des photos. Donc il y en a certains qui sont sortis ce matin de la salle dans laquelle ils sont installés religieusement pour aller prendre des extérieurs et animer ensuite dessus. Donc c'est assez libre, c'est un outil qui permet cette liberté. Et en plus, moi j'aime aussi l'idée que c'est un outil grand public. Et là, on demande à des professionnels de s'y attaquer et ça amuse le grand public d'y aller voir. C'est pas eux qui font, mais ils voient des gens faire sur un outil qui est finalement leur outil, grand public. J'aime bien cette circulation de savoir-faire et qui peut donner envie à des gens d'aller vers une découverte aussi, alors voir des films et faire aussi des films. Et on pourra voir le résultat D'abord, évidemment, ici, mais aussi sur YouTube, c'est ça, sur la chaîne YouTube. J'ai, alors, on, a, on mettez, le met sur notre site. Ou sur Vimeo, enfin, voilà, sur Vimeo, le site. Exactement, et, voilà, ah, et oui. Puis... Et puis on en fait un DVD quand même aussi qu'on distribue à ceux qui nous le demandent, parce que c'est ouais, l'objet aussi de garder ce film, de montrer à tous ceux qu'on peut, à qui on peut le montrer. Bon, bah, le moment où le passera l'interview, sauf si vous êtes dans la région, ça va être dur de vous précipiter samedi soir pour aller voir, puisque l'émission passe entre 17h et 19h. Ça va être juste. Donc ça va 18h45, être juste. Là. Ah, ça va être un peu juste, mais voilà. Mais sinon, vous foncez le voir. Merci beaucoup. Donc toujours bulle de rêve, pardon, excusez-moi. Je suis surpris parce qu'en effet, je m'attendais à ce qu'on ait encore un peu plus de temps pour discuter, mais l'interview de Benoît Chieux fait bien 48 minutes. Donc 48 minutes. À un moment donné, je me suis dit, parce que comme Francis Gavet le disait, mais il y a pas de musique dans cette émission. J'allais mettre une musique en plein milieu, mais non, on va passer les 48 minutes. Oui, je sais, c'est long, mais je vous allez voir. En fait, ces 48 minutes sont donc ce qu'on a entendu. Hein, il faut que je désannonce, comme dirait quand même, c'est pas bien. Je fais pas bien mon boulot. En plus, il y a Francis qui est là. Paul Motion and the Electric Bebop Band de l'album Flight of the Blue Jay. Le morceau s'appelait East Coast. Ce que vous allez entendre, c'est je suis très content parce que Benoît Chieux est quelqu'un qui, au-delà de son travail de réalisateur, est quelqu'un qui a aussi un travail absolument passionnant de, enfin une réflexion pardon passionnante sur l'animation, sur le format, etc., etc. Donc en fait, à des moments vous verrez plus qu'une une pure interview. Vraiment, on s'est assis. Évidemment, vous inquiétez pas, c'est lui qui parle beaucoup plus que moi. Mais on s'est assis ensemble et c'est vrai que l'idée était de partir, de rebondir sur ce qu'il disait et ça a été un vrai plaisir cette discussion. Je voulais commencer en demandant, mais on peut lui demander en une minute, Francis. Tu veux parler? Ça fait quoi de passer derrière la caméra et de devenir réalisateur? Parce qu'on va entendre un réalisateur comme Benoît Chieux. T'as vraiment une minute parce qu'il faut qu'on lance à 12 pour que ton émission soit pas en retard. Ça fait entrevoir, moi, surtout ce qui est le plus impressionnant, c'est moi, après avoir fait 10 ans donc de sélection de courts-métrages pour le Festival de Cannes, la semaine de la critique, c'est que d'un seul coup, on a été celui qui sélectionne les films, et d'un seul coup, on devient celui qui attend de savoir s'il va être sélectionné en festival, et qui connaît ses déprimes, ses remises en cause, et ça, finalement, c'est une école assez intéressante, quoi. Ouais. Et un vrai plaisir, la réalisation de travailler avec quelqu'un, de se dire, tiens, quand on aime tant le cinéma que ça, d'un seul coup, de passer derrière et se dire, je vais faire ce plan-là, etc., il y a un vrai bonheur à le faire. Oui, et puis c'est d'avoir eu comme ça des gens qui viennent travailler, alors même si par moment on n'est pas d'accord, même avec Claire, donc la co-réalisatrice, on n'était pas toujours d'accord, donc on discutait des choses. C'est que d'un seul coup, comme ça, il y a plein d'énergie, que t'as la chance quand même, effectivement, d'avoir connu des gens dont t'as présenté les films à Cannes, dont tu connais des comédiens, des musiciens, qui sont venus parfois à l'émission, et qui viennent d'un seul coup travailler avec toi et qui t'apportent leur talent. Bah, ça, c'est merveilleux. Bon, allez, Francis sera avec Claire, un Gaberti, justement, Officam, et peut-être qu'on fera une petite interview justement pour Bulle de Rêve là-bas. Nicolas, merci infiniment. On lance les 48 minutes avec Benoît Chieux. Benoît, bonjour. Je suis content, ça fait un bout de temps qu'on... Eh bien moi aussi, ça fait longtemps qu'on se court après, mais nous voilà réunis. Ah voilà, et là on réussit enfin à se parler. On est en plein festival d'un jour, dans une ville que tu connais bien. Valence. Ça fait un bout de temps que t'es là. Ouais. Ça fait du bien de revenir au court-métrage après une longue... C'est rigolo cette phrase, parce que est-ce que je reviens au court-métrage? Je viens au court-métrage, oui. Parce que j'ai finalement j'en ai pas fait en fait, mais ça fait vachement bien, ouais, ça c'est sûr. Je suis très content, c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup, et après tous ces films longs à faire, ouais, c'est une respiration très agréable, ouais, vraiment c'est super, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui change? Parce que moi je pensais aussi, t'as quand même fait des films d'une demi-heure. T'as fait des choses, t'as fait des formats comme ça, mais là, vraiment, pour toi, c'est comme si t'abordais un nouveau... Pour moi, c'est vraiment un nouveau format. Là, c'est quand même des films d'une demi-heure, c'est quand même pas la même chose. Et puis, là aussi, le fait de travailler pour la télévision ou même le cinéma, il y a un côté où on essaye quand même au minimum de penser au public. Et dans le court-métrage, je dis pas qu'on n'y pense pas, mais il y a tout un travail d'introspection qu'on peut se permettre, et qui est quand même vachement intéressant. Et ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Comment ça arrive, Tigre à la queue leu-leu ? C'est toi qui trouves... Alors, l'histoire du Tigre à la queue leu-leu, en fait, j'ai commencé à travailler sur ce projet quand je travaillais sur Tantilda. Et vraiment, là, pour le coup, je pense que de travailler sur un long métrage, je trouvais ça long, pesant, j'avais besoin de respiration, et donc j'ai commencé un animatique suite à la découverte du livre, en fait, que j'avais vachement aimé. Je me suis dit, tiens, vraiment, il y a une idée de film derrière ce livre, et j'ai fait l'animatique en même temps que la production de Tantilda. C'est quoi, c'était, on se lève le matin, on fait un petit peu du court-métrage, on se donnait d'énergie avant de partir sur le long? Ouais, c'est plutôt le soir. Mais, c'est plutôt le soir. Ouais, c'est plutôt le soir. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'était un peu de s'aérer la tête, de faire autre chose. C'était vraiment salutaire sur Tantilda d'avoir. En fait, ce qui était aussi salutaire pour moi, c'est que j'appréhendais de faire un court métrage et de faire une adaptation de livre. C'était quand même un moyen de finalement de pas porter tout seul la responsabilité de ce film. Et ça, c'est quelque chose que j'avais bien appris à faire parce que j'ai travaillé longtemps en collaboration avec d'autres personnes. Mais là, bon, j'étais à la fois seul puisque il n'y avait pas d'autres réalisateurs que moi. Mais il y avait quand même ce livre qui était un gage de je sais pas de il y avait quand même une autre personne à travers l'auteur du livre quoi. Et donc c'était bien, c'était vraiment la bonne solution finalement pour décrocher petit à petit du long métrage et trouver une autre façon de faire. Et j'ai vraiment aimé faire ce film, c'était vraiment très agréable. Ça permet de se libérer d'un style. Il y avait un style Benoît Chu enfin de. Dans les films qu'on a vus, un style en tout cas graphique, hein, je parle quand même assez présent. Et là, ça permet d'aller vers autre chose, justement, en se disant. Alors, libéré d'un style, en fait, curieusement, moi, j'avais l'impression que ce livre répondait vraiment à ce que j'avais envie de faire graphiquement. Et donc, j'ai vraiment adhéré complètement au style graphique du livre. Je voulais absolument pas toucher à ça. Je trouvais ça super beau. Et c'était pour moi très important de respecter ce style graphique. Et je dis pas que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, ça c'est sûr. Quand on a un projet comme ça, on se dit tiens, je vais travailler avec Folimage pendant longtemps, long métrage, film assez long. Il y a l'idée de se dire je vais commencer à faire des dossiers, je vais commencer à faire tout ça pour essayer de récupérer. Alors on est plus face à soi-même, entre guillemets, comme tu le disais, même au niveau de la recherche de financement, c'est quelque chose qui fait un peu peur ou au contraire c'est... Alors pour ce film, ce que j'ai fait les choses de façon très pragmatique, c'est que je me suis dit, je vais aller voir un producteur qui aime ce livre. Et donc j'ai fait une chose très bête, c'est que j'ai pris ce livre sous mon bras, et puis j'ai été d'abord toqué à la porte de Jacques Rémy en lui disant, bah voilà, c'est un projet qui me plaît. Et puis d'autres personnes dans Folimage, mais j'ai pas senti vraiment d'écho très fort. Je me suis dit bon, c'est pas les bonnes personnes, ils ont pas réagi vraiment à ce livre. J'ai été voir un deuxième producteur local et pareil, j'ai tapé à la porte et pareil, j'ai senti bon, oui, mais c'est bien, mais est-ce que ça va plaire aux enfants? Moi, je me suis dit bon, c'est pas le bon producteur. Et puis je l'ai présenté à Dora, que je connaissais un tout petit peu pour l'avoir discuté avec elle pas mal du projet de Florence Niaï, de son long métrage. Et je me suis dit bon, je la connais un peu, j'aime beaucoup cette productrice et les films qu'elle produit, je vais tenter le coup quoi. Et donc voilà, j'arrive avec mon petit livre et je lui montre et puis elle me dit ah mais c'est drôle, c'est super, il y a vraiment un film à faire avec ça. Et donc je me suis dit, voilà, c'est la personne qui peut produire ce film. Et ensuite, après, comme je travaillais sur Tantilda, j'ai laissé faire Dora, je lui ai fait complètement confiance, et puis c'est elle qui a trouvé le financement, mais je m'en suis pas du tout mêlé, elle a fait le dossier, et finalement, quand le film s'est arrêté, on avait le budget suffisant pour faire le film. Est-ce qu'il y a encore plus le besoin de cette rencontre quand on fait un court métrage, quand on est sur quelque chose de beaucoup plus entre guillemets fragile, parce qu'on sait bien peut-être avec l'expérience je me dis que tous les projets doivent être supportés par quelqu'un qui aime ce projet, et le rôle du producteur pour moi c'est celui-là. Un producteur ne doit pas s'engager sur un projet qu'il aime pas quoi, parce que les conséquences sont graves et il y a des conséquences humaines, relationnelles. Et on ne peut pas, faire un film, c'est comme faire un enfant. On ne peut pas confier son enfant à quelqu'un qui n'a pas envie de faire des enfants. C'est pas possible. Et donc, c'est très important. Maintenant, vraiment, c'est venu pour moi quelque chose de très important d'aller voir la personne qui aime le projet. Et je ne dis pas que les films que je fais maintenant, je les ferai avec les producteurs de maintenant. Ça changera en fonction du projet. Mais c'est très important. Je veux pas je veux plus, en tout cas, qu'il y ait une relation... entre moi et le producteur, uniquement d'amitié, mais vraiment d'intérêt du travail. Et d'un film à l'autre, j'ai envie de me laisser la liberté de faire des films différents, et donc éventuellement d'avoir des producteurs différents. Ouais, c'est important ça, l'idée de pas... De, que tu disais, je reviens là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de... T'es aussi prof, enfin en tout cas intervenant, ouais. Quoi. Il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à comprendre, parce qu'évidemment, quand on sort d'une école, on se dit, si je trouve déjà un producteur, c'est le plus important. Et ouais, Non, moi je crois qu'il faut, il faut être exigeant. Il faut être exigeant avec... avec le producteur avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'il faut exigeant, ça veut dire il faut travailler avec un producteur qui aime votre projet. Sinon, ça c'est pas possible. Ouais. Un film, c'est difficile à faire. Il faut être soutenu et il faut que tout le monde aille dans le même sens, quoi. Mais bon, une fois qu'on a compris ça, la vie est beaucoup plus facile. Il y a non seulement c'était la productrice, mais en plus elle fait la voix. Dora, du personnage, ça s'est passé comment? C'est assez rare quand même d'avoir son producteur, sa productrice qui fait des voix, c'est pas leur travail a priori, leur boulot. Donc, Moi, j'ai, depuis que je connais Dora, j'ai toujours trouvé que Dora c'était une voix aussi. J'ai toujours trouvé que c'était non seulement c'est une personne extraordinaire, mais c'est aussi une voix extraordinaire. Et quand j'avais ce projet d'adapter ce livre avec ce personnage de la maman qui était à la fois. Autoritaire et en même temps soucieuse de l'avenir de son enfant, comme ça il y avait et je trouvais que c'était vraiment Dora, quoi. Il y avait ce mélange et je trouve qu'elle incarne parfaitement le personnage. Elle voulait pas le faire, hein. Elle voulait, ouais. Elle disait non, j'ai jamais fait ça, je suis pas une actrice, pas hors de question. Puis je l'ai poussée et je lui dis non mais écoute, de toute façon tu peux pas ne pas y arriver, il y a peu de dialogue. Et puis vraiment, je suis très content de cette voix. Je trouve que ça lui colle parfaitement. Ce qui est drôle, c'est que la première fois, quand on la connaît, quand on l'entend, c'est surprenant. Ouais, la première fois que j'ai vu le film, j'avoue que j'ai eu un moment de recul. Et en fait, c'est vrai qu'après la deuxième, troisième vision, c'est une évidence. Oublie, ouais. Ça fonctionne très bien. Non, je suis très content. Moi, je trouve aussi que c'est une manière de mêler finalement le producteur à un processus créatif. Et c'est important aussi de pas être chacun trop dans son coin. Il faut que les choses s'échangent. Il y a une certaine folie dans le film. J'espère un petit peu. Il y a un personnage aussi qui est important, qui est le musicien, ouais, Christophe Ferral. Ouais, ouais. C'était aussi une évidence d'un seul coup de travailler avec un personnage qui a ce grain de folie qui pouvait peut-être l'amener aussi au film ou Alors sur ce film-là, encore une fois, je suis prudent sur les films sur lesquels je travaille parce que d'un film à l'autre, les choses peuvent changer beaucoup. En fait, ça dépend vraiment du film qu'on veut faire. Mais sur ce film-là, vraiment, Christophe Ferral, ça me paraissait une évidence. Je trouve qu'il a, d'abord c'est un très bon compositeur, et puis comme tu dis, il a cette forme de folie qui correspondait exactement à ce que je souhaitais. Et dans ce film, il y avait une partie musicale très forte, je voulais qu'il y ait des danses, que la musique joue un rôle vraiment très, très important. J'avais moi-même choisi des musiques de référence qui a déjà donné bien le ton du film. Et je trouve que Christophe, il a parfaitement rebondi là-dessus pour faire une musique originale et ça correspond exactement à ce que je voulais, quoi. C'était très bien. Il y a une vraie influence, alors c'est un manhwa, hein, c'est ça, coréen, c'est ce qu'on dit, non? Ou je sais pas, le manga coréen, je sais plus comment on appelle ça. Ah, je sais pas du tout. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle, mais je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Et il y a une influence aussi, et c'est toujours bien, enfin. Un peu Takahata dans le film graphique, est-ce que ça c'est quelque chose de. Alors. Takahata, évidemment, il y a un lien graphique très fort, surtout à travers le personnage de la mère, là, qu'on retrouve graphiquement, qui est très semblable à mes voisins les Yamada. Mes voisins les Yamada, c'est très fort. Je pense que ce cousinage, il est dû vraiment à la culture de la région. Moi, j'ai vraiment aimé le livre. Je me suis pas dit, tiens, c'est le livre qui ressemble à Takahata, donc j'ai envie de faire ce film. Je me suis dit, vraiment, ce livre est super et cette histoire est super. Et donc je vais garder ce graphisme-là, qui est un cousinage. Je pense que c'est vraiment propre à la culture, parce ouais. que dans ce dessin, il y a quelque chose à la fois moderne et en même temps très traditionnel, dessin au pinceau, sur papier de riz, etc. Et qu'on dans le dessin traditionnel comme ça, très simple, on retrouve cette simplification des personnages dans les mangas, etc. Donc il y a vraiment un cousinage très proche. Après, moi, je me suis pas dit, tiens, je vais faire du Takahata ou c'est ça qui m'intéresse. Si je me permettais de dire ça, c'est parce que je trouve que t'as une, il y a une vraie, un vrai plaisir. J'ai l'impression pour toi de citer des noms des fois de films là où des auteurs à partir d'un certain moment on a l'impression qu'ils ont tout inventé. Donc ose pas dire, bah tiens, ce film-là, je sais que tu parles beaucoup de My Dog Tulip par exemple, pourtant il y a des choses. On a l'impression que c'est un plaisir aussi de. Absolument. Non, mais je revendique clairement mes influences parce que j'en ai vraiment pas honte. Mais pour ce livre-là, je peux pas revendiquer l'influence de Takahata puisque en fait l'influence c'est vraiment le livre. Et donc, ça me gêne de citer ce non pas parce que j'adore les films de la carte, c'est une évidence, mais parce que l'amour premier, c'est vraiment le livre de cette illustratrice qui était là, quoi. Donc, voilà, je revendique pas vraiment cette influence-là pour ce film-là. Mais c'est vrai que j'ai pas honte de citer j'en ai plein et je peux en citer à appel. On va en reparler de ça, mais après avoir travaillé sur la série sur du long, on sait que c'est compliqué, tu l'as dit, en tout cas, c'est long, hein, niveau production, de faire un film sur justement un personnage un peu flemmard, ou en tout cas qui revendique ça et qui joue avec ça, c'était un plaisir aussi. Alors, ça, c'est drôle parce que c'est après avoir commencé la fabrication du film que je me suis posé la question, mais pourquoi je fais ce film, en fait? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors, on dit souvent aux étudiants, oui, alors il faut que vous sachiez ce que vous voulez dire, vous devez résumer votre film en deux lignes et tout ça. Mais moi, je me suis posé la question après, quoi. Je me suis pas posé la question avant. Et en faisant le film, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, pourquoi ce film, il me tient à cœur? Pourquoi j'ai aimé ce livre? De quoi ça parle, en fait? Et c'est vrai que c'est quand même l'éloge de la paresse, quoi. C'est ce garçon qui... C'est aussi l'éloge de l'intelligence. Et oui, c'est ça, oui. Parce que ça va ensemble. Et ce gamin qui est très malin, qui arrive finalement par une entourloupe à ne plus travailler, mais qui fait preuve d'une grande intelligence, parce qu'il dit non à sa mère, il dit non, j'irai pas travailler dans les champs, je vais pas faire comme tout le monde, je vais inventer ma propre méthode pour gagner l'argent que tu veux que je gagne, donc laisse-moi faire, etc. Et dans ce discours-là, il y a quelque chose qui, moi, me touche, parce que, en fait, dans le travail notamment sur Tantilda, il y avait un peu cette idée de dire, bon, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, laisse-moi faire mon truc comme j'ai envie, et on va trouver une méthode pour essayer d'aller vite et que ça coûte moins cher. Et donc, il y avait quand même des similitudes dans ce gamin, finalement, qui me ressemble, je crois. Je dis pas que je suis un flemmard, mais j'aime bien l'idée qu'un film puisse se faire rapidement et que qu'on fasse attention au budget et que ça prenne pas des proportions délirantes, etc., etc. Tu dis l'adaptation, c'est à la fois une manière pour toi de se dire, bah, il n'y a pas que moi, et à la fois, c'est compliqué quand même de se lancer dans une adaptation. Ouais, alors oui, c'est vrai que c'était une première, mais j'ai vraiment aimé l'exercice, en fait, à tel point que j'aimerais recommencer ça. C'est quelque chose que j'aimerais refaire de l'adaptation, parce que quand même, dans un texte, on peut trouver, pas forcément dans le détail, mais dans l'ensemble, quelque chose qui nous touche et qui nous permet, en fait, de construire quelque chose qui nous appartient, en fait. Et donc, c'est pas... Bon, on peut prendre une adaptation et dire, voilà, on en fait un objet commercial, je prends le livre, je le respecte à la ligne, etc. Mais en dehors de ça, par exemple, dans l'adaptation des Tigres à la queue leu-leu, ce qui était intéressant, c'est de se dire, est-ce que ce film peut faire un bon film? Est-ce que ce livre peut faire un bon film? Et donc, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que ça va faire un bon film? Et comment faire, quoi? Comment investir ce livre dans lequel on doit tourner des pages, on est spectateur, on n'est pas vraiment acteur? Comment le transformer en un langage cinématographique? Et donc, on peut se poser la question sur plusieurs textes comme ça. Et en fait, par exemple, je vais parler un peu de la suite, mais j'ai une idée de court-métrage. Et je me suis posé la question j'ai fait une espèce de petit voyage introspectif en me disant, mais qu'est-ce que je retiens des lectures que j'ai lues, par exemple, ces 10 dernières années? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste comme ça? Et c'est un travail vachement intéressant de se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas parti et qui fait écho dans ce que je suis, etc. Et en fait, j'ai trouvé des textes vraiment qui m'ont plu. Et des fois, c'est assez vague. On se dit, tiens, j'ai lu ce roman. Alors le roman, je m'en souviens pas très bien, mais par contre, ce passage-là, il y avait quelque chose dans ce passage qui était vachement fort. Et quand on fait ça, je pense que c'est un bon point de départ, parce qu'il y a comme un espèce de résidu qui s'est déposé avec le temps, et on se dit, ça, c'est, si vraiment c'est encore là, c'est que même si je sais pas pourquoi, c'est qu'il y a quelque chose à en faire, quoi. Et comment on sait que... On le confronte, comment on sait que ça va faire un bon film? C'est parce qu'on fait une première animatique, un premier storyboard, un premier jet de scénario. Comment ça se passe? Après, il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder dans le détail. Par exemple, là, je parle d'un projet futur, mais je ne sais pas encore si ça pourra faire un bon film. Il va falloir vraiment que je creuse et me dire, bon, est-ce qu'il y a matière cinématographique pour que ça marche, quoi. J'en sais rien. Mais en tout cas, dans le livre, oui, il y avait un point de vue, il y avait un rythme, et donc il y avait moyen de faire quelque chose de cinématographique qui était intéressant. Et je pense pas que ce soit le cas de tous les livres. Pardon, il y a un déclic quand même. Il y a quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas créateur, par exemple, et qui se dit, quel est le moment où, d'un seul coup, tu te dis, ok, là, ça peut faire un bon film, et ça bascule à, ok, là, ça va faire un film. Je suppose, en espérant qu'il soit bon, évidemment, on a envie, mais là, ouais, là il y a matière vraiment. Et en tout cas, toi, en tant que réalisateur, tu dis, moi, je peux en faire un film. Voilà. Moi, je peux pas parler à la place d'autres personnes et je sais pas comment chacun réagit face à ça, mais au point où j'en suis dans mon parcours professionnel, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'intéresse et une question quand même qui se pose, c'est la question du langage cinématographique. Parce que le cinéma est un langage, comme l'écriture est un langage, comme le théâtre est un langage. Et quand on commence à se poser cette question du cinéma, on peut aussi, à travers un texte, se dire, bon, quelle est la dimension cinématographique que je peux apporter à travers ce texte? Et là, c'est quand même une autre vision, une autre façon d'aborder l'adaptation, et qu'on peut faire facilement avec n'importe quel texte. On peut très bien se dire, ben voilà, dans ce texte, est-ce qu'il y a un point de vue? Est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce qu'il y a un espace? C'est un exercice qu'on peut faire tout le temps. Et donc, à partir d'un texte qui fait écho en plus à notre propre personne, je pense qu'on peut assez facilement se dire, bon, est-ce que vraiment il y a manière, il y a matière pour mettre une caméra là-dedans ou pas? Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce que c'est on parlait du court-métrage, est-ce que c'est un nouveau plaisir? Parce qu'il était déjà quand. Non, c'est un nouveau plaisir. Ou quoi, mais non, là, on sent, oui, c'est ça. Non, c'est un nouveau plaisir. En fait, je pense que c'est quelque chose que, bizarrement, j'ai découvert avec le temps, quoi. C'est ce plaisir à se dire, mais qu'est-ce que le cinéma peut apporter de différent du théâtre ou... Parce que surtout dans le dessin animé ou dans l'animation, il y a quand même cette espèce de, enfin moi je trouve cet écueil de présenter l'animation comme un délire graphique. Mais c'est le langage cinématographique, c'est quand même autre chose. Parce que si on veut faire un délire graphique, personnellement, je préfère aller voir des tableaux au musée ou regarder des livres d'illustrateurs que j'adore. Parce qu'il y a des grands illustrateurs qui ont fait des délires graphiques fabuleux et que je me lasse pas de regarder. Mais est-ce que le cinéma peut être un prétexte juste pour ça, ou est-ce que c'est autre chose, quoi? Est-ce que le son apporte quelque chose? Est-ce que le dialogue apporte quelque chose? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Justement, est-ce que, puisque le cinéma d'animation a été la base, la métamorphose, etc., et finalement aujourd'hui d'avoir justement peut-être la force de l'animation par rapport à la prise de vue continue, c'est ça, c'est qu'on peut faire les deux finalement? Absolument, ouais. Ouais, c'est tout à fait vrai, on peut absolument faire les deux. Enfin, moi aujourd'hui ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de créations graphiques et ça j'en ai fait. Et aujourd'hui, s'il y a un nouveau plaisir, il est là, c'est-à-dire c'est de se dire, bon, ok, on peut inventer 1000 mondes, mais est-ce que je peux inventer un nouveau langage? Ça devient plus intéressant. Est-ce que les Japonais, en tout cas au niveau du long métrage, sont en avance dans cette vision? Je pense à Ken Satoshi, évidemment. On a déjà parlé d'Isao Takahata. Est-ce que, en tout cas, au niveau du long, peut-être, parce que le court-métrage est un peu différent, il y a déjà une réflexion autre? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une vision occidentale, une vision orientale du monde. Vraiment, je pense que le Japon ou d'autres pays d'Orient ne voient pas tout à fait le monde comme nous, en fait. Et je pense que c'est culturel, c'est religieux. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des mondes en Occident où l'homme est quand même au centre. Et en Orient, l'homme fait partie d'un tout. Et ce concept-là, c'est, quand on dit l'homme fait partie d'un tout, ça pose déjà la question de l'espace. Où on est, si ça fait partie d'un tout, c'est qu'on est où, quoi, dans cet espace? Est-ce qu'on est à droite, on est à gauche, on est en haut, on est en bas? Alors que l'Occident, l'homme, il est au centre. Et c'est déjà pas pareil, quoi. Ça, c'est des choses que, ouais, qu'au niveau de mise en scène, tu te poses sur chaque case, sur chaque aujourd'hui toi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait cette idée du personnage principal qu'on suivait. C'est cette fameuse idée, enfin, un tas de réalisateurs disent oui, l'idée c'est de suivre le héros. Mmh. Et finalement, on repart d'un japonais comme Ozu, par exemple, qui lui va laisser sortir du cadre, puis revenir, absolument. Et puis on verra bien. Ouais, ça, c'est quelque chose qui, toi, te passionne. Là, absolument, ça me parle énormément. Je trouve que là, sur ce point de vue-là, l'animation, d'une manière générale, est assez pauvre. C'est assez pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de films d'animation qui posent la question du langage. Pourquoi, à ton avis? Et je pense que la grande explication, c'est que quand on dessine sur une feuille, on a du mal à concevoir que le monde puisse exister autour de sa feuille, c'est-à-dire que le cadre, c'est la feuille. Alors que quand on a une caméra, C'est pas du tout la même chose. C'est que l'écran, ce qu'on montre, c'est une fenêtre. C'est-à-dire que c'est une ouverture sur un monde plus grand qu'on ne peut pas montrer en entier. Ce qui est quand même deux conceptions tout à fait différentes. Et pour un dessinateur, c'est à mon avis quand même plus difficile d'imaginer que ce qu'il va montrer n'est finalement qu'une partie de ce qu'il pourrait montrer au total. Et du coup, on a des films plutôt graphiques, quoi, plutôt plastiques, picturaux, quoi, comme je dis souvent. Donc, est-ce que des films, là, qu'on a vu, Tigre à la queue leu-leu, il y a eu Yule, Les Serpents, par exemple, Périphérie, enfin, il y a pas mal de films, on a l'impression qu'ils, justement, ouvrent ce champ-là. Ah ouais, complètement. Ouais, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs personnes qui commencent à se poser des questions. Et c'est tant mieux, je trouve, parce que du coup, on a des films différents et c'est, ça fait du bien, ouais. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce mouvement qui arrive là. Et c'est vrai que l'influence du cinéma japonais n'y est pas pour rien, quoi. Ça joue, quoi. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a des sujets pour toi qui, justement, est-ce que tu peux réfléchir à un sujet en fonction, une mise en scène, pardon, en fonction d'un sujet, c'est-à-dire d'un seul coup, tiens, genre, ce sujet m'intéresse parce que je sais que je vais pouvoir, je sais pas moi, sortir à l'extérieur, comme intégrer le et sur d'autres espaces, comme tu disais. Ouais, il faudrait que je fasse 10 courts-métrages et qu'on en reparle, mais oui, certainement, ouais. Il y a des choses encore à explorer. Pardon, t'as l'air bien parti, un deuxième qui est fini. Alors oui, là je suis en train de terminer un deuxième. Qui a été rapide. Qui s'est fait rapidement, ouais, j'ai un peu de mal pour en parler, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que mes questions, je les poserai une fois le film fini. Ça, c'est difficile d'être un prof intervenant et de dire non, là il faut que tu saches pourquoi tu fais ton film, alors que toi-même tu sais que dans ta pratique c'est plutôt vers la fin que tu réfléchis. Ben, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Enfin, maintenant je le dis moins à mes élèves parce que finalement je m'aperçois que ça ne marche peut-être pas finalement comme ça. Alors, il y a peut-être finalement une intuition à avoir et se laisser guider par cette intuition. C'est peut-être ça qui fait les grands films. J'ai tendance, puisque je suis prof aussi, de temps en temps à dire en effet on va vous dire des choses, mais que l'instinct. À un moment donné, même si vous vous trompez, mais peut-être que ce plan-là, je ne sais pas si ça veut dire tromper, mais faites-le. Ouais, c'est parce ça. Que c'est compliqué quand même de se dire non, ce plan-là, il doit être fait comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, tu as raison. Je crois qu'à un moment donné, il faut oser se dire bon, ça, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas pour ce film, mais je le fais parce que vraiment, ça correspond à ce que j'ai envie de voir. Quoi. Pour parler d'une anecdote sur le film que je termine, là. Le film s'est construit avec des images, complètement. J'avais des images, j'ai vraiment construit des images. Je me suis dit, ça, cette image, j'ai envie de la voir, quoi. Je veux qu'à la fin de ce film, ça se termine avec cette image-là, quoi. Et je repense à cette leçon de cinéma de Kitano qu'il avait fait dans Les Cahiers du cinéma, où il disait, un long métrage, c'est quatre images. Et moi, ça me parle complètement. Je trouve que ça, c'est très important. Moi je suis dessinateur, je ne suis pas écrivain. Et je sais pas qui disait, c'est peut-être Picasso qui dit ça. Il dit, mais si on lui demande, mais qu'est-ce que vous avez à dire? Il dit, mais si j'avais quelque chose à dire, j'aurais fait de la radio. Mais j'ai des choses à montrer, par contre. Et je me retrouve là-dedans, effectivement. Je me dis, j'ai des choses à montrer, quoi. J'ai encore des choses à montrer, et ça, c'est pas fini. Et donc, j'ai encore envie de construire autour de ça, quoi. Je reviens là-dessus, mais parce que je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on n'est pas... Il y a tellement d'angoisse aujourd'hui qu'on essaie que les jeunes sortant des écoles ont quasiment un style. Enfin, on a l'impression, il y a la poudrière qui est en bas et des beaux styles, hein, soyons clairs, c'est loin d'être... Mais voilà, et on pourrait parler de Super Infocom, etc. Et toi, j'ai l'impression que voilà, il y a une carrière et qu'à un moment donné, on en a déjà parlé, mais un renouveau de se dire, ben, allez, je peux envoyer aussi tout ça un peu valdinguer en l'air, puis repartir sur d'autres pistes et que finalement, rien n'est figé. Ouais, bah tant mieux si je donne cette impression. Mais c'est pas volontaire. J'ai l'impression que ça fait partie de mon caractère. J'ai pas souvent fait deux fois la même chose ni deux fois le même film. C'est pourtant beaucoup plus facile. quand on met en place comme un graphisme comme celui de Tantilda, c'est assez tentant d'en refaire un deuxième parce que c'était quand même assez jouissif à faire. Mais non, quoi. Je me dis bon, non, j'ai envie d'essayer autre chose. Et la vie est courte, il faut essayer, quoi. C'est le moment. C'est pas. Ouais, je crois que vraiment je suis là-dedans, quoi. Pareil, je reviens à cette idée d'intervenant, c'est difficile à faire passer pardon, décidément, parce que, aux élèves de se dire bon ben, je sais que c'est un peu vertigineux ce qui va se passer, tu vas sortir d'ici un ou deux ans de l'école, mais fais-toi plaisir aussi, comme toi tu le fais. Moi je pense que ça par contre c'est un vrai combat, c'est vraiment le combat du prof et de l'étudiant, c'est-à-dire que L'étudiant, par principe, il va résister à ça. C'est-à-dire qu'on a peu d'étudiants qui osent faire ça. Parce que c'est le privilège de l'expérience, en fait. Je pense vraiment que quand on a de l'expérience, c'est ça qui permet de se dire, bon, bah, de toute façon, je maîtrise cette étape-là et je sais que, bon, celle-là, je ne la maîtrise pas, mais par contre, à côté, je vais pouvoir assurer mon bout de gras et ça va le faire et ça va marcher. Donc, il y a une forme de risque qui est accompagnée d'une forme de comment dire, d'exigence. Et en fait, c'est ce mélange des deux qui permet, à mon avis, hein, la prise de risque. C'est quand même vachement difficile pour un étudiant qui commence de prendre tous les risques, quoi. Les risques techniques, les risques artistiques, les risques d'investissement personnel, etc. Et donc, il y a une résistance, parce que je pense qu'il y a une peur immense, et je me retrouve tout à fait là-dedans. Je pense qu'on a peur, finalement, d'oser, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vient avec l'âge. Ouais. Toi qui t'es retrouvé à la barre de long métrage, c'est ingrat de faire un long métrage. J'ai cette impression des fois, en tout cas l'animation, j'ai toujours l'impression des fois que vous finissez sur les rotules et qu'en plus, malheureusement, souvent en France, comme il se trouve, il n'y a même pas le succès des fois. Alors, il y a souvent un succès d'estime, mais on a du mal à trouver le succès public aujourd'hui. On le revoit avec les... Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu honte de le dire, mais je fais un peu la politique de l'autruche. Je me dis, bon, c'est triste, etc., mais il faut rebondir, il faut faire autre chose. Et c'est vrai que je trouve ça triste de voir que le public n'est pas au rendez-vous, parce que les films sont extraordinaires et les propositions faites par le long métrage en Europe, d'une manière générale, est vraiment intéressante. Et toi qui es très accroché au long métrage pour adultes, on voit émerger toute une veine de cinéma beaucoup plus adulte. Et il y a plein de propositions que je trouve fabuleuses. Et c'est triste de voir que le public, finalement, n'est pas sensible à ça. Encore une fois, il y a cette peur de prendre un risque. On se dit, c'est très étrange. On est dans un monde bizarre où toutes les propositions sont là, mais finalement, on va choisir le truc qu'on connaît déjà. Ça, c'est toujours un peu triste. Adam Elliott disait qu'après Marianne Max, il n'arrivait pas à faire un nouveau long-métrage et que son nouveau court-métrage était l'idée d'essayer des solutions qui lui permet de baisser le coût d'un film pour tenter. Et avec Tantilda, il y a eu cette envie. Est-ce que c'est l'un des combats qu'on peut avoir aujourd'hui dans le long métrage, de baisser le plus possible le prix, tout en gardant évidemment la qualité technique? Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est pas forcément un choix de se dire, bon, je vais baisser mes envies artistiques pour pouvoir faire ce film. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui aimeraient travailler dans une situation plus confortable. Et peut-être qu'on arrive aussi à un seuil où finalement les films vont plus pouvoir se faire, parce que je discutais avec Rémi Chaillet il y a pas si longtemps, qui me disait mais moi, si je dois faire mon prochain film avec moins d'argent, je pourrais pas le faire, j'arriverais pas à recruter la même équipe, j'arriverais pas à le faire sur Paris, les loyers sont chers. Donc ce seuil là effectivement c'est tentant, et enfin moi personnellement ça m'intéresse d'essayer d'arriver à faire des films simplement. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à un seuil où finalement ce manque d'argent va appauvrir le résultat? Donc c'est des choix pas faciles. Et là encore une fois, est-ce que l'expérience permet de rebondir et faire quand même des films artistiquement très forts avec 3 francs 6 sous? Bon, il y a plusieurs expériences vachement intéressantes. Je pense à Sébastien Lodenbach qui fait une expérience extraordinaire et que j'admire, mais... j'ai envie de suivre cette veine-là, mais je sais pas. C'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai fait une rencontre avec Rémi Chaillet et Sébastien Lodenbach, et quand je posais la question à Rémi Chaillet devant le public en disant, alors tu en penses quoi de cette expérience, et il disait je trouve ça extraordinaire, mais en gros je sais pas si moi j'aurais envie de tenter cette expérience. Je trouve ça extraordinaire que quelqu'un le fasse, mais moi je dis pas ça parce que déjà on a un projet commun avec Sébastien. Mais je dis pas ça parce que je trouve que les choix qu'il fait, finalement, ce sont des choix de court métrage appliqués à un long métrage. Et il a, même si c'est laborieux, difficile, etc., il a cette liberté dont je parlais tout à l'heure. Il s'est autorisé cette liberté de pouvoir faire un film un peu introspectif, de se libérer des contraintes d'une production trop lourde, etc. Et donc ça c'est merveilleux. Moi je veux dire, quand même, c'est la preuve d'une grande liberté d'esprit. On va pas t'en demander trop, mais c'est intéressant quand tu dis que t'as un projet avec Sébastien Lodenbach. Je sais que tu travailles, tu suis par exemple pas mal le travail de Paul Cabon. Ouais. Et c'est intéressant pour toi, c'est plus qu'intéressant, c'est important pour toi de te confronter aussi à des gens qui ont un autre style, peut-être un autre cinéma, ou au contraire tu sens qu'il y a des liens entre vous tous. Ah oui, moi je crois qu'il y a des liens très forts, on le voit tout le temps. Là on est au festival d'un jour, mais on voit à quel point c'est un petit monde et que les connexions se font facilement. Moi, j'ai rencontré Sébastien exactement il y a un an pendant le festival Un jour de l'année dernière. Et la connexion s'est faite très vite. Moi, je pense que c'est un tout petit monde et que l'un entraîne l'autre. Et cette dynamique est très importante. Ouais, pourtant, quand il y a une connexion, si moi je me place et je regarde le cinéma de Sébastien Lodenbach et le cinéma de Benoît Chieux, pour moi, le lien, il est. À part peut-être humain, ça c'est une chose, mais en tout cas, au niveau du cinéma, oui, il n'est pas évident. Ouais, ben, il faut peut-être changer des fois, son fusil des fois. Et avancer vers autre chose, c'est ça, enfin, essayer. Ouais, ouais, moi je crois qu'il faut être créatif, il faut essayer d'inventer, quoi, c'est important. Est-ce que tu. Là, on parle, il y a deux pôles, hein, j'ai l'impression, sur lesquels on parlait, c'est-à-dire plus de cinéma, en tout cas plus de langage, pardon, cinématographique, et peut-être plus de, je sais pas, de liberté ou en tout cas une réflexion sur l'argent et de se dire, bah, ouais, mais baisser l'argent au bout d'un moment donné, ça va pas le faire. Est-ce que c'est des écueils qui vont être compliqués à mettre en place et tu sens, ou au contraire, tu sens qu'il y a des vrais mouvements là, qui se passent dans le cinéma d'animation, dans le monde de l'animation? C'est difficile de dire ce qui va se passer demain, mais on est dans un monde quand même très instable politiquement, à tous les niveaux. Est-ce que le cinéma d'animation sera encore important demain? J'en sais rien. Vraiment, il y a des choses graves. Mais je le souhaite. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a tellement d'écoles, on a formé tellement de gens et tellement bien formés que je veux dire, c'est juste une évidence que tous ces gens qui sont dans la nature vont faire des films. Je veux dire, on se retrouve un peu dans une situation identique à celle des États-Unis au début du cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait le cinéma aux États-Unis, il est né aussi d'un vivier qu'il y avait avec le cirque. Et tous ces gens de Buster Keaton, Chaplin, tout ça, venaient aussi du spectacle vivant. Et le cinéma s'est construit avec ce vivier qui était très présent sur le sol américain. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, on en est là. C'est-à-dire qu'à force d'avoir formé des armées d'animateurs, de réalisateurs, je pense vraiment que ces gens-là vont prendre la place qui leur est due, quoi. C'est normal. Et donc, avec tous les nouveaux codes dont on vient de parler, moi, je pense que c'est plutôt... Je suis assez optimiste sur l'avenir de l'animation. J'aime faire l'avocat du diable par rapport à la France. J'ai l'impression des fois que les choses... Les films qui viennent de Chine peuvent être plus libres. Là, je parle en court-métrage. En long-métrage, on en est loin encore. Parce qu'il y a tellement justement l'idée, alors là, d'être dans des studios, créer des longs-métrages un petit peu, que de temps en temps, on a des personnes qui sortent et qui sont peut-être un peu moins, je sais que c'est pas bien de dire ça, mais un peu moins gâtées, entre guillemets, qu'en France. Et que des fois, là, on se recroqueville un petit peu en France sur un grand talent, hein, mais des formes qu'on connaît déjà, des styles qu'on connaît déjà. Alors, je connais pas assez bien le cinéma chinois pour en parler, mais c'est vrai que quand on voit, par exemple, au Japon, qui a un cinéma d'animation très vivant, une industrie qui fonctionne à 300%, mais on voit aussi leurs difficultés à faire des films inventifs, nouveaux, et il y a des auteurs qui font de la résistance. Encore une fois, je reviens à Sébastien Lodenbach, c'est salutaire, des gens comme ça. C'est vraiment très important qu'ils, tout d'un coup, font péter les codes, quoi. Et moi, je suis très admiratif de ça. Il faut être à l'écoute de ces mouvements-là, quoi, parce que ce sont les mouvements du renouveau. Je veux dire, quand la nouvelle vague est arrivée, personne ne l'a vu venir et personne ne comprenait. Donc, c'était important qu'elle arrive, quoi. Donc, moi, je crois que ça, c'est vraiment salutaire. Et donc, peut-être, effectivement, je devrais regarder mieux les films chinois. J'en donnerai quelques-uns. Il y a des choses étonnantes, il y a des choses qui se passent assez étonnantes. En plus, j'aime bien cette idée, c'est comme tu dis par rapport à l'Occident, je trouve que l'Occident voit toujours la Chine comme uniquement cet endroit de sous-traitance, on va dire, pas cher, et j'ai l'impression qu'ils ne remarquent pas du tout tous les talents. On en a quelques-uns d'entre eux qui viennent ici, hein, Chen Chen qui est passé par ici, par exemple. Après, il y a un phénomène qui joue, c'est comme ils sont beaucoup plus nombreux, si tu fais le ratio, ils ont beaucoup plus de talent. Est-ce que quand on est amoureux du trait, comme tu l'es, c'est facile, là je te regardais, donc, y a le marathon d'animation qui vient de commencer sur tablette, et je te voyais donner tes consignes, etc. Il y a un vrai plaisir quand même de la tablette, du stylet plutôt que du stylo, du crayon. Alors moi, je suis très attaché au crayon, à la feuille. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Maintenant, je vois bien que c'est de plus en plus difficile parce que aussi, là, les nouvelles générations d'animateurs, on voit qui sortent des écoles, parfois, ne touchent même plus le papier, quoi. Donc, on se confronte à un problème tout simple, c'est que si on veut travailler en équipe, eh ben, il faut faire des concessions. Sur le film que je termine, là... Au départ, je m'étais dit, je vais tout faire sur papier, voilà, de monsieur, Saint-Pioui, il pourra dire son discours. Et en fait, très vite, il y a Titouan en Bordeaux avec qui je travaille, qui me dit, ouais, mais bon, moi, j'aime bien travailler sur TV Paint, est-ce que tu me laisses travailler? Et puis je lui dis, bah écoute, oui, vas-y, fais-le, quoi. Et puis finalement, au bout du compte, on aura fait 50% papier, 50% informatique. Et bon, bah voilà, je crois qu'il faut s'y faire. Moi, personnellement, j'ai plus de mal avec l'informatique. Mais ça apporte de vraies solutions. Il ne faut pas être obtus. C'est parfois beaucoup plus efficace. Et si on peut terminer ce court-métrage dans les temps, c'est aussi grâce à certains logiciels. Donc, faut pas cracher dessus. Pour réussir à avoir un peu les deux, c'est ça, 50%. Moi, je suis partisan, ouais, des choses. Je trouve qu'il faut mélanger, ouais. D'être exclusif. Bon, ok, très bien. On dit ouais, la tablette c'est l'avenir, parfait. Mais c'est pas forcément le cas. C'est peut-être le mélange des deux qui fera quelque chose de bien. On va quasiment terminer cet entretien. Quelque chose qui me paraît important, tu avais fait, je crois, l'année dernière, et je l'avais publié sur The Web Anime, un premier texte en tout cas, on attend normalement le livre qui n'est pas encore sorti, sur l'animation limitée, qui est un terme que tu n'aimes pas, et qui est quelque chose d'intéressant, puisque qui a été tellement décrié et qui est tellement utilisé aujourd'hui, alors que pendant des années c'était le diable, et on se rend compte qu'évidemment cette forme d'économie peut être passionnante. Alors là, je vais reprendre, là je vais être un peu. Je vais faire mon professeur. Mais non, moi j'ai rencontré par l'intermédiaire du forum là, sur l'animation limitée. J'ai pu écouter Hamid Hamidi, qui est quand même un spécialiste de l'animation américain, et qui a fait une conférence que j'ai trouvée très très pertinente, et qui dit d'abord on parle de l'animation limitée, mais qu'est-ce que c'est que l'animation limitée? Et donc il dit voilà, il y a des codes qui définissent un genre. Et il y a la full animation qui a été définie assez clairement par les animateurs de Disney avec 12 codes clairement établis qu'on trouve sur le Wikipédia, c'est très clair. Et Hamid Hamidi, il y a aussi, de façon moins officielle, mais aussi il y a des codes qui définissent l'animation limitée. Et quand on lit ces codes, on s'aperçoit que l'animation limitée, c'est quelque chose d'extrêmement rudimentaire. C'est très très rudimentaire, c'est vraiment des illustrations filmées, on est proche du banc-titrage, quoi, avec quasiment aucun mouvement. Mais donc, quand on parle d'animation limitée, il faut faire attention, parce que, en réalité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'animation limitée, c'est souvent plus que de l'animation limitée, c'est souvent un juste milieu entre l'animation limitée et la full animation. C'est une espèce de va-et-vient entre les deux. Et Sébastien Labadie, avec qui j'ai échangé quelques mails, mais que je ne connais pas, il a une formule fameuse. Et il dit... Qui est juste un des grands spécialistes de UPA voilà. En France, hein, Sébastien Labadie notamment. Merci pour le commentaire. Il dit une chose géniale, il dit on fait de l'animation parcimonieuse. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut parler plus en Europe d'animation parcimonieuse que d'animation limitée. Parce que l'animation limitée, finalement, personne n'en fait. Donc c'est l'une des donc redonner un nouveau nom, c'est redonner une quelque chose d'un peu plus glorieux à quelque chose qui a été pendant longtemps décrié, et donc qu'on peut utiliser, enfin que des étudiants, des nouveaux réalisateurs peuvent utiliser. Absolument, tu as tout à fait raison. En fait, je pense que lui donner un nom, c'est déjà d'essayer de le définir. Parce que quand on dit animation limitée, quand on regarde les codes, on s'aperçoit que on parle pas de ce qu'on veut réellement dire. Et que si on dit je fais de l'animation parcimonieuse, à ce moment-là, on dit mais c'est quoi l'animation parcimonieuse? Et assez vite, encore une fois, c'est le professeur qui parle, mais assez vite, on pose des codes, un cadre de façon de travailler. Et ce cadre-là, il est enseignable, on peut le transmettre. On peut dire, ben voilà, là, tu es vraiment dans l'animation parcimonieuse parce que tu utilises tel code, etc., etc. Et donc, quand on peut le transmettre, on peut aussi former une génération d'animateurs propres à travailler sur les films qui vont se faire bientôt, j'espère. Encore une page Wikipédia, donc de Labadie, de Sébastien Labadie et toi. Ah oui, il faut faire la définition de l'animation parcimonieuse. Ça pourrait être intéressant de... Absolument, je vais être ça. Est-ce que c'est une des possibilités de... Ouais, on le sait aujourd'hui, hein, l'animation, tu disais que c'était une de mes marottes, mais quand même qui est importante, le long métrage pour adultes peut amener un autre public. J'ai l'impression que moi, c'est un peu ce qui manque, peut-être pour faire une boucle avec ce que tu disais au début. On manque de public quand même dans le monde de l'animation. Ouais, il faut, je sais pas, moi j'ai pas de réponse toute faite à ça, c'est quand même une question complexe. Il y a des grands mouvements de choses, il y a parfois des points de bascule dans l'histoire de l'art. Il y a des moments où une œuvre tout d'un coup fait basculer le regard des gens. Moi, quand j'étais étudiant, il y a la bande dessinée Mouse qui a transformé le monde de l'animation, de la bande dessinée. Cette bande dessinée, tout d'un coup, c'était fait avec une telle authenticité, une telle force et avec une telle économie de moyens. Il y avait un mélange d'étonnant là-dedans qui tout d'un coup a transformé complètement la vision de la bande dessinée instantanément. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a changé le monde. Et donc, du coup, moi, je crois ça. Je crois vraiment qu'il y a des œuvres qui changent le regard du monde, quoi. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un film qui change vraiment complètement le regard et la façon de faire. Est-ce que tu as vu Anomalisa ? Ah non, malheureusement, j'aimerais beaucoup voir ces films. Sans que ça change forcément, mais est-ce que aussi les gens de la... Moi, c'est un peu l'envie, je me dis, si les gens de la prise de vue réelle pouvaient changer un peu le monde de l'animation et l'inverse. Ouais, et les gens de l'animation, ça serait bien d'avoir enfin un vrai... Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a un débat, il y a un débat à avoir entre ces deux mondes, et c'est vraiment triste de voir qu'il n'existe pas quand on voit la pauvreté des arguments. Quand les gens du cinéma live doivent défendre l'animation, on se dit effectivement il y a un problème. Et c'est dommage, ouais, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de ponts, et Anomalisa c'est un bon exemple, c'est vrai, c'est très juste. Parce que finalement c'est intéressant ce que tu dis, c'est l'idée n'est pas dire, c'est quelque chose sur lequel je me bats aussi quand je lis, disant bah, tiens, enfin un film d'animation qui emploie le langage de la prise de vue réelle, prise de vue continue, live, enfin, etc. C'est pas ça, c'est juste d'un seul coup qu'on reconnaît qu'il y a peut-être un manque de cinéma dans l'animation, en tout cas de langage, comme tu disais, cinématographique, et qu'on essaye de nouveau piocher dans les endroits, mais c'est pas forcément l'idée de dire ah ben c'est plus faible, essayons de trouver d'autres. Non, mais moi je dis pas que c'est plus faible ou plus fort, je dis que simplement c'est important pour un réalisateur d'avoir conscience du langage qu'il utilise. Je dis pas qu'il y en a un bon et un pas bon, je dis simplement qu'il faut faire attention, parce que ce qu'on constate la plupart du temps, c'est qu'il n'y a pas vraiment une conscience que tout d'un coup on fait un cinéma pictural ou un cinéma spatial. Et donc ça c'est un problème, c'est-à-dire que le réalisateur finalement n'a pas compris la complexité du langage qu'il utilise. Et je ne veux pas me vanter parce que je suis loin d'avoir compris tout ce qu'il y a à faire, mais je pense quand même, en tout cas je crois être sur une démarche où j'essaye d'écrire des choses nouvelles, quoi. Et je crois que ça c'est important quand même. Quand Satoshi disait dans une rencontre qu'il avait fait au Forum des Images avec quelques autres réalisateurs et compositeurs, etc., à un moment donné il dit quelque chose d'intéressant. Il dit le problème qu'on a au Japon, c'est que la plupart des réalisateurs aujourd'hui au Japon sont des anciens animateurs qui ont gravi les échelons, et en fait ça les intéresse pas de faire forcément un film, ils sont là parce que ben ils ont gravi les échelons. Est-ce qu'on n'a pas ce problème là des fois d'animateur-réalisateur, et qui se pose des problèmes plutôt de faisabilité plutôt que de réellement de se dire quel est le film que j'ai en tête? Ouais, c'est vrai, on a ce problème là, mais je trouve pas tellement en Europe, en Europe, je trouve pas tant que ça. Moi je trouve quand même quand je regarde les propositions de longs métrages faites en Europe, on a quand même affaire de plus en plus à des gens qui se posent quand même des questions vraiment d'histoire, de scénario, de cinéma. Il y a toute une jeune génération de producteurs qui ont produit des films en prise de vue continue pour passer à l'animation, et donc ça, il y a des ponts de plus en plus qui se font, et on voit que tout ça, encore une fois, que ce mélange, cette mixité et ce chaos aussi est une source de créativité, quoi, qui est importante. Voilà. Si le. Dernière question. On finit. Alors, deux dernières questions très rapides. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, pour finir sur cette question-là, aussi par rapport aux étudiants, je reviens à les études, de se dire, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est, même s'ils veulent tout faire au début, parce que c'est un peu le problème de l'animation, on vous demande de tout faire, d'être décorateur, enfin, etc. Petit à petit, c'est d'abandonner ça, en tout cas, de se dire, bah tiens, j'ai envie de travailler avec d'autres personnes. C'est important d'avoir peut-être cette évolution. Pour certains, hein, je ne mens pas que tout... Enfin, j'en sais rien, on n'est pas tous fait pareil. Moi, j'aime les deux. Je trouve que ça, de travailler en équipe, c'est super bien. Et puis là, je découvre aussi que parfois, de travailler seul, finalement, c'est aussi pas mal. Il n'y a pas de règles. Je crois qu'il faut s'écouter, quoi. Non, franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce qu'après être passé par ce moment de liberté qu'est le court-métrage, tu te dis, allez, je vais revenir une série, un spécial ou un long métrage, ou pour l'instant J'y pense. J'aimerais revenir à ces formats plus longs auxquels je suis très attaché. Je trouve que c'est quand même intéressant de se confronter à quelque chose de plus lourd. Ça m'intéresse, quoi. J'ai envie de continuer sur cette voie-là. J'ai plusieurs projets en tête. Et quand tu dis que Sébastien Denbeck, par exemple, est un cas intéressant, il a fait du court. Et c'est vrai que là, il fait du long, et sûrement aussi avec ce qu'il a fait dans le court. Est-ce que tu penses que ce passage au court-métrage te fera forcément regarder la fabrication et la création d'un long-métrage de manière un tout petit peu différente? Ouais, certainement. Ouais. C'est vrai que c'est quand même interpellant de se retrouver devant une feuille blanche et de dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on raconte, quoi? Quelles sont les images vraiment que j'ai envie de montrer, etc. Et donc, c'est quand même interpellant. Moi, j'ai finalement fait toute ma carrière en collaboration avec d'autres personnes, et je trouve que finalement d'être confronté à la liberté de la création, ça change le regard sur ce qu'on veut faire pour la suite, quoi. C'est quand même interpellant, ouais, c'est vrai, ça laisse des traces. Benoît, bonjour. Voilà, j'ai à peine 25 secondes après cette très longue interview de Benoît Hacheux pour vous dire que merci d'avoir écouté, et puis voilà, dernière toux en direct. C'était Bulle de rêve, bien sûr, l'émission 100% animation. C'est bien, il y a les secondes qui y trucs, et pour faire flipper un peu Francis Gavel. Et donc voilà, merci beaucoup. À dans un mois, on aura deux émissions. Bye bye, et allez voir du cinéma d'animation.